c'est Fun Radio. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez survécu à la tempête hier soir. Mon Dieu, le drame! Non, bon, enfin bon, il a un peu venté. Il y a eu un petit peu de vent, quoi. Bah, un peu, attends, il y a eu quand même quelques dégâts. D'accord, hein. Mais enfin bon, c'était pas c'était pas une tempête tropicale, quoi. Non, ouais, encore heureux, nous n'avons pas ce genre de tempête chez nous. Non, voilà, parce que là, par contre, là, je peux te dire que... Oui, bah attends, c'est attends, pas ça pareil. Va. Attends, dis ça aux pauvres gens qui ont eu leur toit arraché. Non, mais bien sûr, évidemment. Oui, oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Cela dit, je me demande quand même comment est-ce possible qu'aux États-Unis c'est toujours comme ça, quoi. C'est à chaque fois que t'as des grosses tempêtes, t'as toutes les maisons qui se déchirent. Et j'ai été voir et les maisons sont en bois. Oui. Donc c'est bizarre. Donc c'est forcément elles tiennent pas bien, quoi. Et peut-être qu'ils savent très bien qu'elles vont être déchirées, donc ils les construisent vite, donc ils les construisent en bois. C'est possible. C'était la question que je me posais. Si vous avez une réponse plus intelligente que la mienne, n'hésitez pas à nous la communiquer au 3044, bien sûr. Sinon, comment va Julie ce matin? Ça va. Écoute, ça va. Un peu petite nuit, pas beaucoup dormi, mais je vais tenir le coup. Décidément, elle ne dort pas beaucoup. C'est à se demander ce qu'elle fait. Bah non, la maladie, tout ça, c'est difficile. Ah oui, hein. La maladie. Bah je comprends, évidemment. Et évidemment. Je peux difficilement cacher que je suis malade. Hein. Oh, je crois que ça s'entend un petit peu. Moi aussi, je suis un peu malade. Et toi, Mickaël, comment va le bouton de fièvre? Bah écoute, il va bien. Alors hier, il m'est arrivé un truc. J'ai vu Vince, donc j'ai un bouton de fièvre depuis la semaine dernière. Ça m'a flagué mon réveil. Enfin, tu prends la moitié de ta tête, hein, Ça va mieux. Ça a pris la moitié de ma tête, mais ça va mieux là. Et j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs. Comme j'étais parti à l'étranger, la douane, tout ça, c'était compliqué. Bon. Et bah oui, ils m'ont dit, vous ne ressemblez pas à la photo. Oui, mais imaginez sans le bouton. Bon, et donc du coup, bah hier, en fait, donc Vince passe à la radio. Il me dit bonjour. Donc je fais attention à préserver pour qu'il n'y ait pas, pour qu'il y ait on, tout, enfin, c'est pour pas arracher la croûte, pour pas que ça casse, quoi. Ouais. Et en fait, il me dit bonjour, et en fait, il y a sa veste qui pend, et en non, fait, je non, prends, je sens je le prends un coup de tirette dans le bouton, et boum, le truc. Ça m'a fait un mal de chien. Donc quand tu souris d'un coup là, et puis après. Ouais, mais là c'était pire, là c'est le coup tirette. Mais comme un homme, je n'ai rien dit. Ah, et tiens, j'ai assumé. Exactement, j'ai assumé et j'ai pris le mal pour moi. C'est étonnant. Oui, j'étais assez. Moi-même promis surpris. J'étais moi-même promis surpris. Bon, toi, je sais pas où il y a la machine à café, certainement. Ce matin, pas mal de choses. Déjà, on salue tous ceux qui sont connectés sur le groupe Facebook et sur le Twitter. Soyez des bienvenus, tout le monde. Sur Mickaël officiel, sur Facebook ou sur Twitter, vous venez nous rejoindre dans les deux cas, il n'y a pas de problème. Vous pourrez vous inscrire d'ailleurs par ce billet également pour peut-être repartir avec le remboursement de vos factures, comme tous les matins à 7h10, 8h10 ou 9h10. Puis un message qui est arrivé, j'ai eu du mal à dormir cette nuit, big up à vous. Bah ouais, bah voilà, moi pareil. Ouais, mais non, c'est plutôt bien passé. Hein. J'ai regardé Air Crash hier soir, c'était parfait. Oh, j'ai passé une bonne soirée. Même pas regardé The Voice. Ah non, ça m'a saoulé, moi. C'est que ça a carrément fait bugger Twitter tellement les gens tweetaient. Oui, il paraît. Non, mais moi ça m'a saoulé. Non, j'ai pas regardé The Voice. Bon voilà, donc ce matin, pas mal de choses. Et, évidemment, les iPod Shuffle à vous offrir dès maintenant avec la petite devinette qui colle. Écoutez-la bien, la devinette qui colle. À l'origine de tout être vivant, celle du fort vous réserve bien des tournants. Qui sont-elles? Elles peuvent être malheureusement cancéreuses. Elles peuvent être également avec des barreaux en général. Enfin, c'est d'ailleurs comme ça en général qu'on les connaît le plus souvent. Et quand on fait des conneries, on se retrouve derrière. Enfin, on se retrouve dedans plutôt. Si vous avez la bonne réponse, je vous répète, à l'origine de tout être vivant, celle du fort vous réserve bien des tournants. Qui sont-elles? Comme je l'ai dit, si vous êtes dedans, c'est que vous avez techniquement fait une connerie. Et sinon, bah, elles peuvent malheureusement être aussi cancéreuses. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance tout le monde pour les inscriptions. C'est un euro le message. On vous rappelle bientôt pour vous offrir peut-être vos iPod Shuffle. Nous aurons bien évidemment le jeu Es-tu plus intelligent qu'une Miss? Si vous voulez jouer, là aussi vous pouvez vous inscrire. On fera également le Free Code Game. Et puis bien sûr le ni oui ni non ni vous verrez bien tout à l'heure. Voilà, bonne chance tout le monde en tout cas pour les inscriptions. Dans un instant c'est l'info Julie qui débarquera. Et puis on va écouter aussi c'est parfait ça, d'ici quelques minutes T-Pain, Wiz Khalifa avec Lily Allen également, 5 o'clock sur Fun Radio. Bonne matinée à tous. That I was hitting the club. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 6h29. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Bah maintenant, les mauvaises nouvelles avec Julie, c'est parti. Bonjour à tous, la tempête qui s'est abattue hier sur le pays a fait 4 blessés. Un gardien du parc Léopold à Bruxelles a été grièvement blessé après la chute d'un arbre. 2 promeneurs ont également été blessés. À Ostende, un garçon de 7 ans a eu la clavicule cassée après avoir été atteint par un objet en aluminium qui s'était détaché d'une façade. Des vents dépassant les 110 km/h ont été enregistrés à la côte alors que tout le pays a été balayé par de fortes rafales. La Flandre a été dans l'ensemble plus touchée par les vents violents et les averses. Les interventions des pompiers ont été nombreuses. Et attention, le répit est de courte durée. Les vents violents sont de retour dès demain. L'incendie au palais de justice de Bruxelles est probablement d'origine criminelle. Le parquet a ouvert une enquête. Hier après-midi, deux foyers d'incendie ont été découverts au deuxième étage où est située la cour d'appel. Le feu s'est limité au local où le sinistre a débuté. La difficulté rencontrée par les pompiers n'était donc pas liée à l'importance du sinistre, mais ils ont mis du temps pour trouver l'origine de l'incendie, mais aussi pour s'approvisionner en eau. Deux pompiers ont été légèrement blessés. Un homme du feu a été intoxiqué et un autre souffre de brûlures. À Liège, deux contrôleurs du TEC ont été blessés par un voyageur qui ne possédait aucun titre de transport. Les faits se sont déroulés dans un bus roulant rue Grétry hier. L'agresseur a été déféré au parquet de Liège. Et puis un chauffeur de bus a également été agressé dans un autre incident. L'agresseur a réussi à prendre la fuite. Le chauffeur a été transporté à l'hôpital. Notre Premier ministre Élie Di Rupo est la personnalité politique la plus citée dans la presse belge en 2011, tant au nord qu'au sud du pays, rien de vraiment étonnant. Il devance Bart De Wever selon les chiffres de la plateforme digitale des journaux Mediargus. Et puis enfin, en sport, ce n'était plus arrivé depuis 10 ans, c'est un Belge qui prend la tête du Paris-Dakar. Le Polonais Krzysztof Olowski, c'est pas facile à prononcer, et son copilote belge Jean-Marc Fortin occupent la première place des autos à l'issue de la troisième étape. Et il est 6h32 sur Fun Radio, c'est parti maintenant avec la météo. Hein. Quel temps pour aujourd'hui? Quel vent pour aujourd'hui? Le ciel alternera entre des nuages menaçants et des éclaircies plus ou moins larges. En soirée, quelques gouttes de pluie ou de brune aborderont le littoral. Température de 4 à 9 degrés. Demain, retour de la pluie et du vent. Eh ben génial, c'est ouais, parfait. Si je peux te dire, que demande le peuple en plus. Plaisir. Alors attends, voilà. Pardon, je n'avais pas vu le pull de Toff qui est quand même assez. Ah oui. Ah bah attends, je vais le tweeter. Je viens de voir le pull de Toff et. Oui, c'est vrai. Je crois que ça. Non, on va pas comparer ce que je mets moi. Moi, ça ne. Ça non, attends, je pense qu'on peut se mettre à deux avec Julie qui est à peu près le même, voire pire. Non, attends, cool. je déjà, j'ai une grosse écharpe parce que je suis super malade. Donc, Bon, ça y est, mais attendez. Ce pull vaut effectivement un tweet. Attendez, live and direct, je vais tweeter les deux. Hein, parce que j'aime beaucoup mon pull, donc là, je vous emmerde. Non, voilà, je vais tweeter les deux. Oui, voilà, mettez-vous l'un à côté de l'autre. Bien. Voilà. Oh là là, on fait ça en live. Hop, voilà. On a la même. Mais quelle horreur, tous les deux. Les boutons, alors, du coup. Ah oui, c'est vrai, on ne voit pas les boutons. Attends, il prend mon écharpe et tout, mais c'est ça son. Voilà. Non mais c'est ça, voilà. Alors attendez, je vais mettre ça sur le Facebook et sur le Twitter. Vous allez pouvoir aller voir si vous voulez. Donc tapez Facebook. Je pense qu'on est un beau couple aujourd'hui. Vous tapez le Facebook de Fun et puis vous verrez ça. On est in love de pull. Ah oui, grave. Une belle équipe. Bon, quelle est l'info en plus? Alors l'info en plus. Bah, écoute, j'ai un petit peu du mal parce que voilà, le rhume descend dans la gorge, c'est vraiment parfait. Pas nouveau, hein. Pour les détails, hein, très très propre pour tout le monde. Donc on parle de tempête, etc. Et quand on parle de grosses tempêtes, elles ont un prénom. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, la tempête Joachim, la dernière dont on a parlé. Ou la tempête Julie, mais elle sévit tous les matins. Hein. Oh là là. C'est la tornade, c'est pas une tempête. C'est ça. Eh ben écoute, tu peux toi-même donner ton prénom à la tempête. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, en fait, c'est l'université de Berlin qui gère l'appellation des noms de tempêtes. Et en 1954, elle a obtenu le droit de baptiser. Elle a bien dit appellation ou elle a fourché? Non, les appellations. D'accord, j'avais compris autre chose. Oh, bah, on va se calmer tout de suite ici. Il n'y a pas de mal. Tu veux en parler? C'est depuis 1954 que l'université de Berlin a donc obtenu le droit de baptiser les phénomènes météorologiques pour les suivre plus facilement sur une carte. Et donc, n'importe qui peut payer 199 euros pour donner son nom à une dépression ou un anticyclone, vaut 299 euros. Ah, et c'est donc plus cher les anticyclones. C'est-à-dire que quand il fait beau, c'est plus cher que quand il fait. Ah, voilà. C'est normal. Et alors, ça rapporte environ 35 000 euros par an à l'université de Berlin. Et donc voilà, la tempête Joachim correspond à Joachim Weber, un citoyen allemand qui s'est manifesté donc en 2011 pour. Je propose qu'on donne Fun Radio. Ah mais attends, mais tu peux donc tu payes 299 euros ou. Mais tu vois, il faut une où dont les gens parlent. Tu vois, faut qu'on choisisse une bien grosse quoi. Ah oui, bah attends, il y a un truc. Faut essayer ou autant. Tant qu'à faire, c'est un bon plan. Voilà, donc c'est pas mal pour ceux qui se posaient un peu la question. Heureusement, je suis là pour répondre. Eh ben très bien, heureusement que tu es là. Merci Julie. Bah écoute, c'est avec plaisir. Bon, et dans 5 minutes, je tweete la photo. Hein, donc soyez bien sur le Facebook et sur le Twitter de Fun. Vous verrez ça, vous allez voir, ça vaut le détour. Allez, il est 6h35 sur Fun Radio. C'est T-Pain maintenant. Sur Fun Radio, il est 6h37. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Dans un instant, le tweet du pull de Julie et surtout celui de Toff. C'est quand même celui-là qui vaut le détour. Encore, en fait. Oui, mais c'est lui, le sien avec ses gros boutons là. Mais attends, c'est un truc de fou. Sauf si c'est sa grand-mère qui l'a fait. Oui. À ce moment-là, ça va. Mais au moins, ça change des pulls à capuche. Oui, c'est vrai. Mais enfin, c'est vrai. Mais s'il l'achetait volontairement, il y a quand même du souci à se faire. Là, par contre, ça me poserait un problème, ouais, effectivement. Là, il y a du souci à se faire. Bon, dans un instant, je vous reparle de la petite devinette qui colle pour repartir avec vos iPod Shuffle, comme chaque matin. Et puis, vous le savez, il y a également tous les soirs avec Evan dans la tribu, Julien Dorien, grand reporter, toujours au top de l'actu, bien évidemment. Avec Julien Dorien, notre reporter, notre envoyé un petit peu spécial, il est vrai, il a décidé de nous parler aujourd'hui de la journée mondiale du bénévolat. C'est bien ça, hein, ce dont vous avez envie de nous parler aujourd'hui, Julien ? Oui, tout à fait, et je voudrais en profiter, Evan, pour féliciter et encourager tous ces hommes de l'ombre qui travaillent bénévolement pour que le monde soit meilleur. Et de qui vous parlez, Julien ? De tous ces maris qui couchent avec leurs femmes et les contentent sans jamais rien demander en retour. tous ces hommes qui, pour éviter que des petites nanas de 20 ans se sentent seules, n'hésitent pas à tromper leurs femmes. Non. Non, Julien, s'il vous plaît, c'est une belle journée aujourd'hui, une journée utile pour que le monde soit reconnaissant envers tous ces bénévoles, voilà, qui travaillent pour aider les autres. Et vous, vous me fatiguez, quoi. Écoutez, Evan, vous allez être étonné. Pour être solidaire, j'interviens gratuitement aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas vous coûter un centime. Je suis bénévole. Ah, c'est beau, ça. Bravo. C'est vrai, c'est tout à votre honneur, je crois. Oui. Bon, bah, à part ça, Julien. Quoi, à part ça? Bah, je sais pas, vous n'avez rien d'autre à dire, c'est tout? Oh bah non, attends, je suis pas payé, je vais pas me faire chier non plus. Hein. Oh, gonflé, Evan, je vous dis que je fais cette chronique gratuitement et vous abusez. Non mais Julien, c'est un minimum, vous vous rendez compte de l'absurdité de ce que vous venez de me raconter quand même? Ah, parce que je suis absurde en plus! Non mais ça va pas bien là-dedans! Alors c'est comme ça, on est gentil, on se fait traiter comme un ouvrier de la FNR Stahl. Eh bah bravo, Evan. Bon Julien, ça suffit maintenant, ça suffit vraiment, Julien! Non, ça ne suffit pas, je ne me laisserai pas manipuler par le capitalisme, vous m'entendez? Ouais. Vous croyez qu'il est facile mon métier? Bah oui. Vous croyez que c'est drôle de se retrouver en plein milieu de Charleroi pour commémorer la rénovation d'usines désaffectées, moches et dégueulasses? Hein? Vous croyez que c'est marrant, vous, d'être à Scarbec pour couvrir la fête du Dorum sans oignon? Vous savez où je vais vous le mettre, le Dorum? Non, je me battrai jusqu'au sang. C'est la lutte finale. Coupons nous et demain. Il va pas bien. L'international sera ta gueule. Bon allez, ça va maintenant, ça va. Merci Julien. De rien. Et voilà, Julien Dorien, donc tous les soirs avec Evan dans la tribu. Évidemment, il est 6h40 sur Fun Radio. Et on va écouter le son de Calvin Harris maintenant. C'est Feel So Close. Juste après, promis, on fait un point sur le trafic. I feel so close to you. 6h43 sur Fun Radio, restez bien avec nous. Dans un instant, il y aura David Guetta avec Saya. Ce sera Titanium. Et puis parlons maintenant de l'infotrafic. Qu'est-ce qui se passe sur les routes, Julie ? Prudence, il y a un camion sur le flanc, sur le 40, Bruxelles-Liège, en direction de l'Allemagne, à hauteur de Wallhorn. C'est la bande d'arrêt d'urgence, la bande de droite, qui sont obstruées. Ça se passe au kilomètre 127.5. Et puis accident sur la 602 Chenet, en direction de Loncin, à hauteur de Chenet. C'est la bande de droite qui est obstruée au kilomètre 12.9. Très bien, donc soyez prudents si vous êtes sur la route, évidemment. Évidemment, dans un instant, nous allons vous faire écouter les meilleures lignes anti-relous, les meilleurs relous qui ont laissé leur message au 0473 86 0013. Et puis il est temps pour moi aussi de vous rappeler la petite devinette qui colle pour repartir tout simplement avec vos iPod Shuffle ce matin. À l'origine de tout être vivant, celle du fort vous réserve bien des tournants. Qui sont-elles? Aucun indice. On peut se retrouver dedans quand on a fait une connerie, on peut dire prison aussi, mais c'est l'autre. Ou alors elles peuvent être aussi malheureusement cancéreuses. Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous y allez. Bonne chance tout le monde. 63-22, c'est 1€ le message. Et je mets la photo du pull de Julie et de Toff là, qui sont quand même dramatiques, aussi bien l'un que l'autre. Non, plus ouais, celui de Toff sur le Twitter. Moi, j'ai une grosse écharpe parce que je suis malade. Sur le Twitter et sur le Facebook de Fun. Allez-y, dans un instant, bah, comme promis, c'est le son de David Guetta qu'on va écouter maintenant là. Voilà. C'est ce qui arrive dans un instant sur Fun Radio à 7h15. David Guetta avec Saya et Titanium sur Fun Radio. Bonne matinée. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 6h48 et nous allons maintenant écouter les meilleures lignes anti-relou, les meilleurs messages qui ont été laissés sur le 0473 86 0013. Alors juste avant ça, je voulais vous signaler également que si vous allez sur le Twitter de Fun ou sur le Facebook de Fun Radio, vous allez pouvoir voir le magnifique pull de Toff, hein, vous pouvez aller voir, laissez vos commentaires surtout, hein, surtout n'hésitez pas, hein, vraiment vraiment vraiment j'insiste. Voilà, vous y allez, dans rendez-vous donc sur le Facebook de Fun Radio, facebook.com/ Fun Radio, tout simplement. Bon, allez, c'est parti maintenant. Les meilleurs messages, la ligne anti-relou, c'est pour vous qu'on la met à dispo. 0473 86 0013. Coucou Sabine, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. J'espère que tu as bien dormi, moi aussi. Rendez-vous ce jour à 14h30 devant le McDonald's. Rendez-vous à 14h30 devant le McDonald's. C'est Christophe. Tu peux m'envoyer un petit SMS. Oui. Bisous, ça nous ferait bien grand plaisir d'avoir un petit SMS de ta part. Bisous, à tantôt et bonne journée. Je pense que tu peux te brosser. Hein. Je pense qu'il y a un moment, hein, je pense qu'il faut voir les choses en face. Hein. Ça n'est pas la possible. La réalité, c'est dur, mais parfois Tu vois, tu remarques qu'il s'appelle Christophe. Oui, comme oui. C'est bizarre. Allez, deuxième message. Coucou, c'est Christophe. Encore ? J'espère que tu as bien reçu. Mon message, écoute, allez, tantôt, deux amis du McDonald's. Principal, c'est d'y croire. Hein. Le principal, c'est d'y croire. Allez, troisième message. Salut Sabine, comment vas-tu? C'est Christophe, attends pour 14h30 devant le McDonald's, place verte. Bisous, c'est ce qui avait été convenu hier, 14h30, place verte, c'est devant le McDonald's. C'est dingue, non mais c'est pas possible d'être aussi... Je sais pas. J'ai même pas de mots vraiment. Non, moi non plus. Fait. C'est super triste quoi, parce que les gens se rendent pas compte. Moi ça me dépasse. Après le deuxième appel, s'il y a pas de réponse, je pense que lâcher l'affaire. Comment est-ce qu'on peut insister comme ça? Ouais, t'attends quoi, c'est tout, c'est pas compliqué. Bon, allez, 7h10 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Le retour de la ligne anti-relou, c'est tout à l'heure. Dans 20 minutes, on vous rembourse vos factures et puis on vous offre aussi vos iPods Shuffle. Si vous avez la réponse à la devinette qui colle à l'origine de tout être vivant, celle du fort vous réserve, du fort Fort Boyard bien sûr, hein, par exemple. Celle du fort vous réserve bien des tournants. Qui sont-elles? Quand on fait une connerie, on se retrouve on peut aussi dire être derrière les barreaux, mais non, c'est plutôt en prison. Voilà, c'est ça, c'est un autre mot pour dire ça. Sinon, elles peuvent être cancéreuses ou grises. Voilà, si vous en avez, bien évidemment. 63-22, si vous avez la bonne réponse, bonne chance tout le monde. Les iPod Shuffle sont à gagner ce matin. 63-22 par SMS pour envoyer la réponse, c'est 1€ le message. Et puis on va s'écouter David Guetta maintenant avec Titanium. Et on va appeler qui dans un instant d'ailleurs? On va plus pour la bonne année, c'est fini là. Non, c'est un petit peu en rapport. En fait, j'ai appris que la période des fêtes là de fin d'année était la meilleure, enfin, était une grosse période de recul. D'accord, bon, on appelle après. Bienvenue sur Fun Radio, c'est mercredi le 4 janvier ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, hein, en l'occurrence. Dans un quart d'heure, on vous rembourse vos factures pour vous inscrire. Allez-y dès maintenant si vous le souhaitez. Vous envoyez votre message au 6322 code facture. Il y a plein de messages qui arrivent déjà d'ailleurs sur le groupe Facebook par rapport au pull de Toff et de Julie. Si vous voulez voir tout ça, Fun Radio, vous allez sur le Facebook de Fun Radio tout simplement. Ah, Toff fait vieux, Julie, t'es mimi. Ah, ben voilà, et merci. Oui. Enfin, quelqu'un qui a tout compris dans la vie. Et Audrey qui dit: j'avoue, c'est vrai que ton pull est bien. Yako aussi, Auric qui dit on ne va rien dire, c'est le matin. Mirko qui évidemment sera désagréable comme d'habitude. C'est pas trop mon style, mais ça va, ils leur vont bien. Oh, quand même! Venant de Mirko qui est quand même le fashion du Facebook. C'est vrai, c'est vrai. Et ben ça me fait plaisir. Mirko, je te remercie. Est-ce que je peux rajouter que Ludovic dit mon grand-père avait quasiment le même? Et ben je félicite ton grand-père qui avait très bon goût. Ouais, c'est ça. Et Karine qui dit il est de saison, hein, etc. Et alors Cédric qui dit il me semble que tu as un petit ventre, Toff. Ce n'est pas à propos. Hein. Non, ce n'est pas le sujet. Pas de quoi vous parlez. En même temps, voilà, quoi. Ce n'est pas le sujet. Bon, allez, on va appeler des gens maintenant. Hier, c'était pour leur souhaiter bonne année. On s'était fait insulter, sauf la dernière fois. Et puis là, maintenant, c'est quoi le délire? Le délire, c'est que j'ai vu y a une étude qui dit que la période des fêtes est une période hyper propice aux ruptures. Alors, j'imagine que c'est à cause des cadeaux pourris, mais tu viens pas dans ma famille, alors qu'on tous les ans, on va dans ta famille, etc. Donc, en fait, les gens se séparent vachement pendant la période des fêtes. D'accord. Et donc, du coup, tu vas faire quoi, toi? Je vais vérifier si les gens ont passé les fêtes. D'accord, si les couples ont passé les fêtes. Bon, je te propose d'aller à Versin. Je sais pas où c'est, mais non, moi non plus, mais ça me paraît pas mal. Hein. Bon, allez, on y va, c'est parti. On appelle direction à Versin maintenant. Oula, c'est quoi cette sonnerie? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il a, la sonnerie? Elle est malade? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que la période des fêtes est propice aux ruptures et je voulais savoir comment ça s'était passé dans votre couple. Ça a bien passé. Vous êtes fou, quoi. Bah non, c'était pour savoir si vous aviez passé de bonnes fêtes et que votre couple était toujours là après les fêtes, quoi. N'importe quoi. Allez, salut. Ah, il s'en fout, hein. Bon, ça c'est fait, hein. Bon, on va le rappeler, hein. Bah, oui, on va le rappeler. Bah, oui. Parce que c'est, là, c'est parti, rappelons directement maintenant à Aversin, deuxième appel. On pourra répondre, ce sera plus rapide. Et tu vas pas. Allô. Oui, monsieur. Non, c'est juste que vous avez pas vraiment répondu à ma question, donc je voulais savoir si voilà, vos fêtes s'étaient bien passées avec votre couple, quoi. Bah, oui, très bien. Avec vous êtes toujours ensemble, tout va bien. Ouais, tout va bien. Bon, bah écoutez, c'est parfait, alors ça me rassure, ça me fait plaisir. Allez, passez une bonne journée, monsieur. Ouais, au revoir. Ah. Oh, si je continue, j'appelle les flics. Bah, effectivement, c'est ce qu'elle voulait dire. Bah, s'il avait pas dit ça, on l'aurait pas rappelé. Mais là, je pense que. Si, là, je pense qu'il faut. Là, je pense que c'est un peu tendu quand même dans leur couple. On remet le couvert. Voilà, petite dernière, hein. C'est pour moi, c'est moi qui régale. Il y aura Mike Posner juste après avec Looks Like Sex. Oui, excusez-moi, vous êtes sûr que ça va bien? Parce que j'entends votre femme qui a l'air un petit peu énervée derrière. Je vais raccrocher, et puis c'est tout. Eh ben voilà, comme ça c'est arrangé. Je vais raccrocher, et puis c'est tout. Eh ben c'est plié. Allez, à Versailles, ils sont pas agréables le matin, c'est dommage. Non, je suis très déçu. Très déçu. Bon, dans un instant, c'est l'info sur Fun Radio et Mike Posner à 6h57. Bonne matinée. Mike Posner sur Fun Radio, nouveau son, Looks Like Sex. Bienvenue tout le monde, dans un instant sur Fun. On enchaîne les bons sons, je vous le dis, moi. Beyoncé avec Love and Top, ça arrive dans un instant sur Fun Radio. Il y a l'info de Julie également et on vous rembourse vos factures dans quelques minutes. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. Réservez vos vacances chez Neckermann jusqu'au 15 janvier inclus. Et recevez plus de 25% de réduction sur plus de 1000 vacances d'été. Vos vacances au meilleur prix chez Neckermann, c'est garanti. Il est 7h sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Remboursement des factures, je vous explique comment faire après l'info. L'info de Julie maintenant. Bonjour à tous. La tempête qui s'est abattue hier sur le pays a fait 4 blessés. Un gardien du parc Léopold à Bruxelles a été grièvement blessé après la chute d'un arbre. Deux promeneurs ont également été blessés à Ostende. Un garçon de 7 ans a eu la clavicule cassée après avoir été atteint par un objet en aluminium qui s'était détaché d'une façade. Des vents dépassant les 110 km/h ont été enregistrés à la côte alors que tout le pays a été balayé par de fortes rafales. La Flandre a été dans l'ensemble plus touchée. Les interventions des pompiers ont été évidemment nombreuses et plusieurs cours d'eau sont encore en phase de préalerte de crue. Attention, le répit est de courte durée. Les vents violents sont de retour demain. L'incendie au palais de justice de Bruxelles est probablement d'origine criminelle. Le parquet a ouvert une enquête. Hier après-midi, deux foyers d'incendie ont été découverts au deuxième étage où est située la cour d'appel. Le feu s'est limité au local où le sinistre a débuté. La difficulté rencontrée par les pompiers n'était donc pas liée à l'importance du sinistre, mais ils ont mis du temps pour trouver l'origine de l'incendie, mais aussi pour s'approvisionner. Oui, c'est très compliqué en eau. Deux pompiers ont été légèrement blessés. À Liège, deux conducteurs du TEC ont été blessés par un voyageur qui ne possédait aucun titre de transport. Les faits se sont déroulés dans un bus roulant rue Gréty hier. L'agresseur a été déféré au parquet de Liège et puis un chauffeur de bus a également été agressé dans un autre incident. L'agresseur a réussi à prendre la fuite. Le chauffeur a été transporté à l'hôpital. Notre Premier ministre Elio Di Rupo est la personnalité politique la plus citée dans la presse belge en 2011, tant au nord qu'au sud du pays. Bon, rien de très étonnant, mais quand même, il devance Bart De Wever selon les chiffres de la plateforme digitale des journaux Mediargus. Près de 16 000 personnes ont demandé à être interdites d'accès aux casinos ou des salles de jeux dans notre pays, selon les chiffres officiels arrêtés à la fin de l'année 2011 par la commission des jeux de hasard. Un chiffre en augmentation d'année en année. Et puis à l'étranger, aux États-Unis, un trio de têtes semble se détacher lors du scrutin organisé dans l'Iowa pour départager les candidats républicains à la Maison-Blanche, Ron Paul, Mitt Romney et Rick Santorum, décrochant chacun environ 24% des voix selon des premiers résultats partiels. Et puis en sport, ce n'est plus arrivé depuis 10 ans. C'est un Belge qui prend la tête du Paris-Dakar. Le Polonais Christophe Holoski. Hein, c'est du radio aussi ça. Hein. Et son copilote belge Jean-Marc Fortin occupe la première place des autos à l'issue de la troisième étape. Et il est 7h03 sur Fun Radio, c'est la météo maintenant. Quel temps pour aujourd'hui? Eh bien le ciel alternera entre nuages menaçants et éclaircies plus ou moins larges. En soirée, quelques gouttes de pluie ou de brune aborderont le littoral. Température de 4 à 9 degrés. Demain, retour de la pluie et puis des vents aussi, malheureusement. Bah, quelle bonne nouvelle. Bon, bah restez bien là, dans un instant, je vous rembourse vos factures sur Fun Radio. Si vous voulez que je vous rembourse vos factures, c'est très simple. Vous vous inscrivez au 6322, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Je vous appelle peut-être dans quelques instants pour vous les rembourser justement, vos factures. Bonne chance. Fun Radio. Fun Radio. Quelle est l'info en plus à 7h05? Alors, c'est juste, quand ça la fait rire avant. Donc, c'est-à-dire qu'elle met la barre haute déjà. Hein, parce que si on se marre pas, je pense que. Quand même, mais je me marre pour être sûr que quelqu'un se marre. En fait. Ah, d'accord, ok. En fait, c'est un Américain qui est poursuivi pour avoir voulu régler ses achats avec un billet de la somme extravagante. Ah, j'ai vu ça, oui. D'un million de dollars. Tu pouvais rire. Mais qui est complètement idiot. Dans un magasin en Caroline du Nord. Et alors, il voulait acheter quand même pas mal de trucs. Il en avait pour 476 $. Wow. Donc, un aspirateur, micro-ondes, etc. Et il a quand même sorti de son portefeuille un billet d'un million de dollars. Alors évidemment, ouais, ouais. Les commerçants se sont dit qu'il y avait un petit problème. Ils ont appelé la police. Et alors, ce qui est quand même assez drôle, c'est que Michael Fuller, donc cet homme âgé de 53 ans qui a voulu payer avec son billet $1 million, soutient avec ferveur que son billet n'était pas faux. Bah non, bien sûr, un billet d'un million, c'est tellement facile à écouler en plus. Je pense qu'il a quelques problèmes dans sa tête. Donc voilà, maintenant il va devoir rendre des comptes à la justice, mais on le remercie quand même parce que ça nous fait bien rire. Oui, ça nous a bien fait rire. Bah, j'espère que ça vaut la peine d'aller en prison pour ça, parce qu'aux États-Unis, ils rigolent pas avec les faux billets verts. Ah non, non, c'est sûr. Ouais, même quand ils sont extravagants comme celui-là, $1 million. Non, ça ne rigole pas. En fait. Oh là, je te jure. 7h06 sur Fun Radio. Dans un instant, je vous offre pas $1 million, mais je vous rembourse vos factures. 6322, code facture, comme là. Qu'est-ce qu'il y a? 65 € pour l'abonnement Zumba, 50 € pour le gaz, 68 € pour l'assurance voiture, 120 € pour l'épargne pension, 250 € pour un PC volé. Bref, si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Et comme je le dis, cette semaine, c'est encore une semaine un peu spéciale puisqu'il y en a beaucoup qui sont en congé, donc il y en a beaucoup qui dorment, donc forcément il y a plus de place, vous avez plus de chances de gagner cette semaine, donc profitez-en bien. On va s'écouter en attendant une petite balade, tiens, un son qui fait très 80s et très Swing Out Sisters. C'est Beyoncé qu'on écoute maintenant, c'est Love on Top. Il est 7h06, bonne matinée sur Fun Radio. Le son de Beyoncé l'instant sur Fun Radio. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et oui, c'est tous les matins comme ça sur Fun Radio. Je vous appelle, je vous rembourse vos factures en toute simplicité. Pour ça, il suffit de s'inscrire, évidemment, en envoyant le code facture au 6322 par SMS. C'est 1 € le message. Voilà, on va appeler quelqu'un maintenant, celui ou celle qui va décrocher maintenant et qui va répondre correctement à la question, c'est-à-dire qui paye les factures le matin. Eh bien, c'est pas compliqué, repartira directement avec le remboursement intégral de la facture. C'est parti, et on va rembourser une note de gaz. C'est toujours bien aussi pendant l'hiver, parce que ça consomme beaucoup plaisir, là. Ouais. Encore faut-il que ça décroche. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour, qui paye les factures le matin ? C'est Fun Radio. Mais oui ! Et toi, tu dormais? Petite voix du matin, effectivement. Hein, tu dormais? Comment tu t'appelles? Luna. Je t'entends pas. Tu peux parler au sortir de ta couette? Je ne comprends pas bien. Tu me dis? Céline. D'accord, Céline. Très bien. Bon, Céline, tu t'étais inscrite. Bon, Thérèse, tu t'étais inscrite pour qu'on te rembourse ta facture, c'est ça? Facture de gaz? Oui, eh ben on va te rembourser, il y a pas de problème. En tout cas, là, je te souhaite bon courage pour comprendre parce que c'est pas très. Je sais pas si c'est ton téléphone qui est mauvais ou le kit Malib, je ne sais pas. C'est compliqué. En tout cas, c'est assez compliqué. Mais c'est pas grave. Tu as gagné. Mais oui, tu as gagné, c'est le principal. Il y a pas de problème, on te rembourse ta facture de gaz maintenant. Je te fais des gros bisous et passe une excellente journée et puis une bonne année aussi. Merci, à bientôt et reste bien au standard. On va prendre tes coordonnées dans un instant. Bouge pas de là. Bon, eh bien voilà une bonne chose de faite. Tiens, si vous voulez comme Marie-Thérèse repartir avec un remboursement de votre facture, eh bien rendez-vous à 8h10 sur Fun Radio. On vous appellera pour vous rembourser vos factures en toute simplicité, bien sûr. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant sur Fun Radio. Eh bien je vais vous envoyer Tayo Cruz. Tayo Cruz qui arrive sur Fun Radio avec Hangover. Passez une bonne matinée sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 7h16. Dans un instant, nous allons jouer à ce grand jeu pour repartir encore une fois avec vos iPod Shuffle. Serez-vous plus intelligent qu'une Miss? Si vous pensez être plus intelligent qu'une Miss, n'hésitez pas bien sûr à vous inscrire dès maintenant au 6322. Débutez le message par Miss, tout simplement. Et on jouera dans quelques instants avec vous. J'ai également toujours les iPod Shuffle à vous faire gagner. Si vous avez la bonne réponse à la devinette qui colle, on donne la réponse dans 5-10 minutes grand max. À l'origine de tout être vivant, celle du fort, Fort Boyard par exemple, vous réserve bien des tournants. Qui sont-elles? Voilà, elles sont dans notre corps, elles peuvent malheureusement parfois être cancéreuses également, elles peuvent être grises aussi. Ou alors si vous faites une connerie, vous pouvez vous retrouver dedans, comme en prison par exemple. Voilà, si vous avez la bonne réponse, bah, vous envoyez cette réponse au 6322, là aussi c'est 1€ le message. Et vous repartirez peut-être avec votre iPod Shuffle dans quelques instants, donc bonne chance. Alors, hier soir, vous le savez, il y avait un nouvel épisode de The Voice. Oui. Oui. Ça y est, on y est. Oui, bah alors le souci, c'est que c'est un peu lisse avec des chanteurs comme Roberto par exemple. On dirait moi. Presque. C'est vrai. Mais j'ai cru. Ah oui, voilà, c'est ça, c'était tout à fait toi. J'ai cru, je regardais pas l'image, j'ai cru que c'était toi à la télé. Attends, puis en on fait, dirait non. Quand même, regarde. Mais ouais. You are the same. Arrête. Ouais. Bon, dis donc, ça va, alors surtout, rien faire. Je suis un peu frustré parce que comme tu refais des paroles en plus. Ouais, bien. You are the way you friend with me. Ça s'appelle un yaourt dans le langage. C'est ça, ouais. Pour les musiciens qui nous écoutent. Voilà, donc c'est un peu plat avec Roberto, tout ça, ils chantent bien, mais voilà. Mais donc, heureusement, j'ai trouvé à deux des vrais rappeurs engagés. Alors, si vous ne savez pas où ça se trouve, c'est tout près de Spat. Hein. Et là, j'ai. Comment dire? Du lourd. Voilà, a priori, ça parle d'une embrouille avec une certaine Jessica. Jessica, maintenant il faut assumer car tu l'as bien baisé. Et ouais, je parle de mon pote. Et oui, et voilà. Quand je dis que c'est du lourd, hein, c'est quand même du très très lourd. Alors, est-ce que vous avez un avis, Lio? C'est ma gamme, ça. Ah ben voilà. C'est ma gamme. Eh ben génial. Et encore, elle a pas entendu les rimes de fou qu'ils font, hein. T'es au courant que tes boutons sont pires que des ballons? Personnellement, je te toucherai même pas avec un bâton. Eh oui, je te toucherai pas avec un bâton. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce que vous avez encore été chercher ça? Dans The Voice 2. À deux. Oui, c'est ça, votre voice à vous, quoi. Bah oui, qu'en pense quant à Moziman? J'aime bien que la mélodie soit, entre guillemets, respectée. Ah bah voilà, bah en plus, c'était en total impro, hein. Mais Moziman, il va pleurer, j'arrive dans cette putain de section. En mode improvisation, je vais te donner à fond jusqu'à ce que tu t'envoles comme un avion. Eh oui, comme un avion dossier, effectivement. Ouais. Allez, un petit dernier pour vous montrer qu'ils ont vraiment la rage et qu'ils y croient à fond, hein, quand même, il faut le savoir. Peut-être même pas de la jouer si tu voulais pas te faire clasher. Clasher, dédicace partout, Patrick Mike Mal et dédicace le peuple des autres. Ouais. Eh oui, ouais. Clasher. Voilà. Alors, The Voice, c'est quand même mieux comme ça, non? Ah oui, oui, bien sûr, c'est ouais. Cool, ça. Bah ouais, ou alors ouais. Tu préfères comme ça. You are sunny. Ouais, c'est très bien ce que je préfère. Ouais, bah ouais, forcément. Oh, elle préfère les rapports de teux. Mais non, elle préfère ma belle voix. Alors ça, par contre, mais bien sûr. Enfin, tu es mon boss, donc je ne vais rien dire. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Ophidi, future miss? Parfait. Bon, est-ce que t'as aimé l'émission d'hier? Je sais pas. Non, je sais pas. Ah, tu sais pas. Et l'émission de ce matin? Je sais pas. Bon, bah, d'accord. On va pas insister. Oh là là. Alors. Mais allez. Par contre, si vous voulez suivre The Voice, vous pouvez aller sur le Twitter de Julie. Ah, quel salaud. Et ça, c'est clair. Ouais. Je me suis bien amusé hier avec mon ça, mec. C'est clair. Bon, allez, 7h20 sur Fun Radio. C'est David Guetta qu'on écoute maintenant avec Love Is Gone. Bonne matinée sur Fun. 7h23 sur Fun Radio, bienvenue si vous débarquez, c'est le son à l'instant de David Guetta. On écoutera d'ici quelques instants le son de DJ Joss avec Magic Cut et Mandy, ce sera I Want You. Nous allons jouer maintenant au jeu des Miss. Avant ça, j'ai aussi la devinette là avec Fabrice qui est là, 37 ans d'Andenne. Salut Fabrice. Salut. Comment ça va? Salut. En pleine forme? Bah tant mieux. Ouais, en pleine forme. Sois le bienvenu Fabrice, tu fais quoi dans la vie Fab? Je travaille dans le bâtiment comme machiniste. D'accord, ok. Et ça va, t'es au boulot déjà ou tu vas y aller tout à l'heure? Ouais, on peut dire ça, ouais. Je suis en train d'attendre là qu'on m'ouvre la barrière. D'accord, ok. Bon, eh ben écoute, bon courage pour cette journée, Fabrice. Tu avais la réponse, toi, la réponse à la devinette qui colle. Et je te la répète, hein, pour ceux qui débarqueraient. À l'origine de tout être vivant, celle du fort. Fort Boyard vous réserve bien des tournants. Qui sont-elles? Une cellule. Bah oui, les cellules, une cellule, effectivement, c'est une bonne réponse. Bravo à toi, Fabrice. Ouais, eh ben voilà, c'est gagné, ouais, nickel. Eh ben écoute, Fabrice, tu vas repartir avec ton iPod Shuffle, y a pas de problème. Tu veux quelle couleur? Il y a plusieurs couleurs. Il y a gris, il y a rose, il y a bleu, il y a vert, il y a orange. Gris. Gris, allez, bah c'est plié. On va t'envoyer le gris maintenant, il n'y a pas de problème. Tu vas gérer ça avec l'ob au standard, d'accord? Oh, écoute, c'est vraiment super. Je remercie tout le monde et toute l'équipe, bien sûr. Mais je t'en prie, écoute, il n'y a pas de problème. Tu reviens quand tu veux. Salut, salut, à bientôt. Allez, merci, salut, hein. Ciao, enfin, bye bye. Ouais, et dans un instant, on va jouer au jeu des Miss. Si vous voulez jouer, 6322 code Miss. Là aussi, il y a des iPod Shuffle qui sont à gagner. Serez-vous plus intelligent qu'une Miss? 5 questions de Miss. Si vous répondez correctement aux 5 questions, l'iPod Shuffle est également pour vous. Ne bougez pas de là. Dans un instant, DJ Joss arrive comme promis avec I Want You. Ça arrive après ça sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Radio. Il y aura aussi le Wanted dans quelques instants avec Lightning et puis DJ Joss, je vous l'avais annoncé, promis, ça arrive dans un instant. Avant ça, il y a Logan qui est avec nous. Bonjour Logan. Bonjour. Bonjour, comment ça va Logan? Bien, bien. Bon, bienvenue à toi, t'appelles de la minerie toi, c'est ça? Ouais. 28 ans Logan, quelle voix Logan. Oui, bonjour. Une grosse voix comme ça là. C'est dingue. Ouais, mais c'est la voix du matin. Donc, ah, ok. Si c'est comme ça, alors très bien. Attention, Logan, tu vas jouer au jeu des Miss. Donc, es-tu plus intelligent qu'une Miss? Penses-tu que tu es plus intelligent ou pas? Je ne sais pas, on va voir. Tu ne sais pas? C'est eh bien, prudent. On va pas trop t'avancer. Eh oui, non, mais t'as raison hein, de pas trop t'avancer, effectivement. Ouais. Bon, eh ben écoute, c'est pas très grave, on va vérifier ça maintenant. Jouons au jeu des Miss. Alors attention, tu as donc, tu as donc 5 questions. Si tu as la bonne réponse aux 5 questions, les bonnes réponses, tu repars avec un iPod Shuffle. Première question, quelle est la résidence principale du roi Albert II depuis 1959? Le roi Albert II, c'est. Au château de Lalaken? Oui, le château. Non, oh, bah c'est non, le jeu non. Des Miss. Ah oui, mais non. C'est le château de Belvedere. Je le valide, Julie, tu le valides, le château. C'est, ça n'a rien à voir. Ouais, le château. Boulot, c'est son bureau, au château de Lalaken. Ouais. Mais il habite. Il habite depuis longtemps, là. Allez, deuxième question. Non, depuis 1959, il n'habite plus, là. Oui, bon, ça va. Bon, attends. Alors, bon, Ophélie, est-ce que je peux valider ou pas? Je sais pas. Non, je sais pas. Bon, tant pis. Alors, c'est pas grave. Mais merci c'est de ton pas aide. Hein. Avancer, merci de ton aide. Deuxième question. On va voir. En quelle année a été construite l'Atomium? Oh là. C'était pour l'Expo Universelle. Elle a été construite un petit peu avant que la résidence du roi Albert II soit le château du Belvédère. Vite, une réponse. Oh non, 58, c'est dommage. Oh là là, qui a été battu à Waterloo? Allô? Qui a été battu à Waterloo? Oh, est-ce non, que tu m'entends Westerlo, ça, ça. Logan, oui, est-ce oui, que oui. Tu m'entends? Qui a été battu à Waterloo? Oui, là. Bataille de Waterloo, oh là là. Ah non, c'est même là. Mon cours d'histoire à côté de moi. Napoléon Bonaparte. Qui est le plus grand cycliste belge nommé 3 fois sportif mondial de l'année? Oh, c'est Philippe Gilbert. Ah non, Eddy Merckx. Et enfin, quelle ville est surnommée la Cité Ardente? S'il vous plaît. Quelle ville est surnommée la Cité Ardente? Liège. Eh oui, Liège. Oh, l'honneur est sauvé. Bon, l'honneur est sauf. Par contre, juste une petite question. Ophélie, c'est quoi la ville surnommée la Cité Ardente? Je sais pas. Ah, bon. C'est pas gentil. Bon, alors si elle sait pas, elle sait pas, qu'est-ce que tu veux. Bon, malheureusement, Logan, c'est perdu. Je suis désolé. Hein. Une bonne réponse, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas terrible. C'est pas tant pis. Bon, on va quand même te filer des places de cinéma, Logan, d'accord? C'est super. Allez, sympa. Salut à toi, Logan, à bientôt. Oui, merci, à bientôt, au revoir. Allez, ciao, et on va passer directement à l'info car on est en retard. L'info maintenant, c'est avec Julie à 7h31. Bonjour à tous, la tempête qui s'est abattue hier sur le pays a fait 4 blessés, un gardien du parc Léopold à Bruxelles, mais également 2 promeneurs. Et puis à Ostende, un garçon de 7 ans a eu la clavicule cassée après avoir été atteint par un objet en aluminium qui s'était détaché d'une façade. Des vents dépassant les 110 km/h ont été enregistrés à la côte alors que tout le pays a été balayé par de fortes rafales. La Flandre a été dans l'ensemble plus touché. Les interventions des pompiers ont été nombreuses. Arbres arrachés, toitures envolées et plusieurs cours d'eau sont encore ce matin en phase de pré-alerte crue. Attention, le répit est de courte durée. Les vents violents sont de retour demain. L'imposition des revenus a diminué en 10 ans par rapport à 2000. L'imposition des revenus a globalement baissé de 2,1%. Seuls les indépendants subissent une hausse de la fiscalité. C'est ce qu'affirme le journal L'Écho. Alors, cette baisse résulte de la réforme de l'IPP à partir de 2001, c'est-à-dire le démantèlement de la contribution complémentaire de crise et l'amplification des réductions de cotisations sociales. L'incendie au palais de justice de Bruxelles est probablement d'origine criminelle. Le parquet a ouvert une enquête hier après-midi. Deux foyers d'incendie ont été découverts au deuxième étage où est située la cour d'appel. Deux pompiers ont été légèrement blessés. À Liège, les funérailles d'Asma, la jeune victime de l'accident mortel de la nuit de la Saint-Sylvestre, auront lieu aujourd'hui. Elles seront célébrées à la mosquée de Bressou à 14h15. Près de 16 000 personnes ont demandé à être interdites d'accès aux casinos et aux salles de jeux dans notre pays, selon les chiffres officiels par la Commission des jeux de hasard. Un chiffre en augmentation d'année en année, font remarquer les associations qui traitent de la dépendance aux jeux de hasard. Et puis notre Premier ministre, Elio Di Rupo, est la personnalité politique la plus citée dans la presse belge en 2011, tant au nord qu'au sud du pays. Bon, rien de bien étonnant, mais quand même, il devance Bart De Wever, selon les chiffres de la plateforme digitale des journaux Mediargus. Et puis à l'étranger, aux États-Unis, un trio de têtes semblait se détacher hier soir lors du scrutin organisé dans l'Iowa pour départager les candidats républicains à la Maison-Blanche. Ron Paul, Mitt Romney et Rick Santorum décrochant chacun environ 24% des voix selon les premiers résultats partiels. Et puis enfin en sport, ce n'est plus arrivé depuis 10 ans. C'est un Belge qui prend la tête du Paris-Dakar. Le Polonais Christophe Holowski et son copilote belge Jean-Marc Fortin occupent la première place des autos à l'issue de la troisième étape. Et il est 7h34 sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Dans un instant, nouvelle devinette qui colle pour repartir encore avec vos iPod Shuffle. Mais avant ça, c'est la météo. Eh bien, le ciel alternera aujourd'hui entre des nuages menaçants et des éclaircies plus ou moins larges. En soirée, quelques gouttes de pluie ou de bruine aborderont le littoral. Température de 4 à 9 degrés. Demain, retour franc de la pluie et du vent, malheureusement. Eh oui, malheureusement. Bon, quelle est l'info en plus à 7h34? J'espère qu'elle est plus drôle que la météo. Oui, ben, ça va parler de vent, justement. Ah, d'accord. Alors, tu sais que les tempêtes, les grandes tempêtes dont on parle, elles ont des prénoms. Donc, oui, par exemple, vrai, ouais. La tempête Joachim, c'est la dernière dont on a parlé. Eh bien, d'où viennent en fait ces prénoms? Qui décide de quels prénoms vont porter les tempêtes? Eh bien, en fait, c'est l'université de Berlin qui gère l'appellation des noms de tempêtes. En fait, en 1954, elle avait obtenu le droit de baptiser les phénomènes météorologiques pour les suivre plus facilement sur une carte. Et en 2002, l'université a décidé de proposer à la vente des prénoms. Bah, bien sûr, à la vente, ils ne vont pas les donner. Chaque citoyen peut donner son nom à une tempête. Alors, pour ceux que ça intéresse, une dépression vaut 199 €. Ah, ouais, et un anticyclone sympa. En vaut 299, car c'est un phénomène plus rare. Bah, évidemment. Et donc voilà, donc, par exemple, la tempête Joachim correspond à un certain Joachim Weber, citoyen allemand qui s'est manifesté l'année dernière. D'accord, donc, voilà. Okay. Et bah, voilà. Donc si vous voulez donner votre nom, là, n'hésitez pas, hein, vous y allez, il n'y a pas de problème. Hein. Et si vous voulez nous donner le nom aussi, là, il n'y a aussi pas de problème. Hein. Ah oui, donc Fun Radio, ça pourrait être. Ah voilà, il n'y a pas de problème. Il est 7h35, dans un instant, le ni oui ni non, ni vous verrez bien pour repartir aussi avec vos iPod Shuffle. Si vous voulez jouer, 63-22 par SMS, débutez le message par oui, tout simplement, et on vous appelle dans 3 minutes pour jouer avec nous au ni oui, ni non, ni vous verrez bien. Voilà, il est 7h35 et on écoute DJ Joss maintenant sur Fun. Il est 7h38 sur Fun Radio, soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. Dans un instant, le ni oui, ni non, ni vous verrez bien, évidemment, comme chaque matin, vous connaissez le principe. Si vous voulez jouer pour repartir avec vos iPod Shuffle, eh bien c'est très très simple, il suffit de s'inscrire donc au 63-22 en débutant le message par oui, tout simplement, voilà. Jeu auquel tout le monde peut jouer, évidemment, donc si vous voulez vous inscrire, 63-22, code oui. En attendant d'avoir Nicolas, justement, qui voulait jouer dans quelques instants, t'as de l'infotrafic qui traîne ou pas, July, là? Ah, tu veux notre trafic qui traîne, ouais, mais effectivement, chose, oui. Ouais. Le trafic est perturbé en plusieurs endroits sur le rail wallon. En fait, un nouveau vol de câbles à proximité de la gare de Froyen. Ah, ils ont piqué les câbles. A empêché toute circulation de train ce matin entre sur la ligne Tournai-Moucron. D'accord, voilà. Ok. Bon, ben voilà. Donc, si vous prenez le train, faites gaffe. Et si vous êtes sur la route, dites-nous. On va dans un instant jouer au ni oui ni non, ni vous verrez bien. Et puis, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, eh bien, vous nous dites au 3044. On compte sur vous, bien sûr. En attendant, The Wanted maintenant sur Fun Radio avec Lightning. Bonne matinée, tout le monde. C'est Fun Radio, soyez les bienvenus. Si vous arrivez, il y a Cobra Starship dans un instant avec Sabi, son que vous aviez découvert sur Fun Radio il y a quelques semaines maintenant. You Make Me Feel. Dans un instant aussi, il y aura la ligne anti-relou. Et puis je vous annonce aussi la nouvelle devinette qui colle pour repartir avec vos iPod Shuffle. Écoutez bien, elle peut être un mari ou une femme. Il s'agit d'une partie. Pour pouvoir la trouver, il vous faut diviser. Qui est-elle? Un indice, par exemple. Vous savez, Julie et Chouchou sont ensemble, hein. C'est un petit peu le couple. Bien sûr, d'ailleurs, je rappelle ce message qu'ils se sont envoyés hier par Twitter interposé dans le même salon. S'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Voilà. Merci. Et donc, je répète. Je répète la devinette. Elle peut être un mari ou une femme. Il s'agit d'une partie. Pour pouvoir la trouver, il vous faut diviser. Qui est-elle? Par exemple, Chouchou, c'est la de Julie. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. L'appeler? Non. Non, pas du tout. Voilà. On peut également dire partager. En général, quand on partage entre deux personnes, il y a donc chacun à la même chose. Voilà. Donc si vous avez la bonne réponse, c'est un iPod Shuffle qui est à gagner. 63-22 avec la bonne réponse. Bonne chance tout le monde, je répète une dernière fois. Les sentiments. Non. Elle peut être un mari. Il s'agit d'une partie. Pour pouvoir la trouver, il vous faut diviser. Allez, si vous avez la bonne réponse, bonne chance tout le monde. Et nous avons Nicolas qui est avec nous maintenant. Deux Zélic, 31 ans. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va? Ah, très bien. Bon, j'allais dire bonsoir tellement j'en ai marre qu'il fasse noir le matin. Mais bon, c'est relou. Eh ben ouais, bonne année à toi aussi. Bonne année. C'est vrai, ça, bonne année. Bonheur, hein. Bonne année. Bon, j'espère que ça va bien se passer, Nico. On va faire c'est un petit ni oui ni non ni tu vis ni quoi. Alors, c'est quoi le mot qu'on peut ajouter au ce matin là? Vent, tempête. Non. Non, c'est trop facile ça. Bon, je sais pas. Mais je sais pas. On appelle qui, Nico? Martine. D'accord. C'est qui Martine? C'est ta copine ou c'est qui? Non, c'est une amie. C'est une amie. Bon, bah okay, ni Martine, moi je dis ni Martine. Ouais, donc on peut pas dire Martine. Voilà, ni oui, ni non, ni Martine. On y va, on l'appelle? Oui, très bien. Allez, et une minute, hein, attention, il faut une conversation logique. Allez, c'est parti, on y va. Malheureusement, on ne peut pas l'entendre sonner. Attends. Voilà, attends, parce que l'homme a confondu le numéro de téléphone depuis le standard, donc il faut attendre que ça décroche, c'est le problème. Allez, ça ne va pas aller. Alors, tu sais quoi, on va l'appeler directement en live and direct d'ici. Voilà, c'est beaucoup plus simple, c'est parti. On y va, Nico. Hein. Allez, bonne chance. Merci. Conversation logique, hein, pas comme hier où tu laisses des blancs pendant 2 heures. Enfin, c'était pas toi, mais. Voilà. Et si jamais ça ne décroche pas, bien sûr, tu nous dois les cadeaux. Ah, c'est normal. Ah, bah, c'est normal. Tu nous as tué le jeu. Tu nous dois les cadeaux. Allez. Et c'est con, Nico, tu vas nous devoir à l'iPod Shuffle, il me semble, on dirait. Oh, bah tu vas nous devoir à l'iPod Shuffle. Ah, bah tu sais quoi, Nicolas, si tu veux, tu peux tenir une minute sur le répondeur en lui racontant ta vie, mais sans dire ni oui, ni non, ni. Ni Martine. Ni Martine. Allez, vas-y, bonne chance. Une minute avec une conversation logique sur un répondeur. C'est pas mal, ça tient. Allez, on y va. Merci de votre appel. Attention. Top. Salut, c'était Nicolas. Je suis vraiment déçu de ne pas t'avoir en ligne. Je pensais que tu serais déjà réveillé. Je voulais savoir si tu allais travailler aujourd'hui et si on aurait pu aller manger un bout ensemble. On aurait pu aller se manger un petit spaghetti et prendre un petit vin blanc avec ça, par exemple. Dès que tu entends ce message, rappelle-moi parce que j'avais beaucoup de choses à te dire. Je voulais te parler de mon nouvel an, comment ça s'est passé avec les amis. T'es le portant le message. J'aimerais que tu me racontes aussi toi comment ça avait été. J'espère que tu t'es bien amusé. Te connaissant, je suis sûr que t'as fait la fête, que t'as bien rigolé avec tes amis. Et je sais pas si tu es libre pour ce week-end, si on sait aller. Sinon. Que, voilà, en fait, ça fait longtemps que je pense à toi et je me dis que ce serait sympa que. C'est bon, c'est enterré là. La ligne anti-relou. Voilà, bon, Martine, donc c'est le répondeur, mais bon, c'était juste Nicolas qui était là, qui a appelé Fun Radio pour te dire qu'en fait, il osait pas, il est un peu gauche, hein, ouais. Donc il voulait simplement savoir si tu voulais bien sortir avec lui. Voilà, hop, comme ça j'ai raccroché, maintenant c'est bon, c'est plié. Voilà, Nicolas, allez, bon, bien. On va quand même te filer l'iPod Shuffle, passe une bonne journée. Salut, bonne journée. Allez, ciao à toi, et dans un instant sur Fun Radio, c'est Cobra Starship qui arrive. Ça arrive après ça sur Fun Radio. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, 8h-10. Bon réveil. Si jamais vous sortez là de votre lit par exemple, on va s'écouter les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou ce matin. Les meilleurs messages sont évidemment tous les matins sur Fun Radio, 7h-10, 8h-10 et 9h-10. Alors on va écouter maintenant le premier message, c'est parti. Ouais, salut Christine. Comment dire ? Tu m'as dit, c'est là, hein ? C'est bien d'allumer les gens au boulot, de me dire, ouais, viens. Hein, mais là, je suis devant chez toi, tu as l'adresse que tu m'as donnée. Ça fait 2 heures que je sonne, puis je t'apprends, je t'appelle, tu réponds pas. Tu reçois la boîte à message. Bon, ben, tu ne veux pas me soucier, tu me le dis, hein. Ah, il est bon. Qu'est-ce qu'il est con, alors, lui. Bon, si vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit, tant pis pour vous. Allez, message suivant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, on n'en doute tu pas. Tu m'étonnes. Ouais. Gisèle, c'est moi. Oui, c'est moi. Ouais, c'est moi. J'ai envie parce que des trucs cochons, quoi. Ouais, rappelle-moi. Ça y est, c'est nouveau chaud comme la braise. André, ton chéri. André, ton chéri. Bah, dis-moi. Oh, okay. Oh. Quelle horreur, mais quelle horreur. Allô, dis ça, il s'excite ou quoi? Tu ouais, peux le taper, Julie? Attends, mais moi je veux même pas le toucher, ça me dégoûte. Oh, arrête. Bon, allez, message suivant. Pardon, madame, j'étais signée. Ah, voilà, comme ça au moins c'est arrangé. Bon, et ben voilà, retour de la ligne anti-relou dans moins d'une heure sur Fun Radio. Retour également de la devinette qui colle dans un instant. Et puis on va encore appeler des gens là pour vérifier s'ils ont passé un bon nouvel an, s'ils se sont pas séparés dans leur couple justement après Cobra Starship. You Make Me Feel sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Hey, what's up? This is Gabe from Cobra Starship. Le matin, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Je comprends rien. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Il est 7h54 sur Fun Radio. Et oui, bienvenue tout le monde. Si vous venez de débarquer, c'est Mickaël à la radio tous les matins avec vos messages évidemment qui arrivent. Si vous voulez jouer avec nous, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Il suffit simplement de nous envoyer vos messages si vous voulez discuter avec nous au 63-22, notamment avec la devinette qui colle. Écoutez bien la devinette qui colle, écoutez. Elle peut être un mari. Il s'agit d'une partie. Pour pouvoir la trouver, il vous faut diviser. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez ça au 63-22, c'est 1€ le message. Est-ce que Julie a un indice? Pas écouté. Non, je n'ai pas d'indice. Je pensais. Bon, j'ai dit tout à l'heure, vous connaissez Chouchou. Hein, c'est... T'as déjà donné trop d'indices. Mais non. C'est Chouchou. C'est le bel homme de Julie. Et oui. Donc, on le dit également en général quand on est. Son preux chevalier. Mais oui, quand on est en couple, en général, c'est. On parle de l'autre en disant c'est ma. Voilà, par exemple, Chouchou, c'est la de. Julie. Voilà. C'est voilà, ça. C'est ça. Et quand on. Et quand c'est on la dit... verrue sur le pied. C'est bon ça. Je sais pas ce que vous avez ce matin, mais oh là là, c'est dur. Hein. Oh, c'est drôle, non? Pas drôle? Bah non, c'est ça le problème. Tu vois, si c'était drôle, ok, ah ouais. Mais c'est même pas drôle en fait. Bon, eh ben écoute, y a pas de problème, hein, c'est pas grave. C'est pas ça drôle, moi j'ai pas de problème. C'est que tu n'as pas d'humour. Eh bien écoute, c'est ce n'est pas grave. Je n'ai aucun humour. Voilà, ce n'est pas grave. Bon, allez, c'est parti. On y va. On va appeler maintenant avec Toff là pour vérifier si le nouvel an s'est bien passé, s'ils ne se sont pas séparés. Déjà, on ne sait jamais. On va appeler à Marbéan. Ah oui, allons à Marbéan. Voilà, puisqu'apparemment t'es tombé sur une info qui dit qu'en général au nouvel an, enfin aux fêtes de fin d'année, les amis se séparent parce que t'es venu chez moi, t'as pas venu chez moi l'année dernière, je suis venu là, tu viens pas chez moi, blablabla. Bla, bla, c'est ça, les cadeaux pourris, ouais, et tout. C'est ça, donc ouais. c'est souvent caution embrouille et à séparation. Bah, voilà. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle le premier, Marbéan maintenant, c'est parti. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que il paraît que la période des fêtes est propice aux ruptures. Et je voulais savoir comment ça s'était passé chez vous. Tête de mort. Bref. Ah bah il est sympathique à Marbéan. Ah oui tiens, ça... On se marre bien à Marbéan. Bon, tête de mour. Bah ouais. Bon, avant de vous passer Chris Brown avec Pitbull, on va rappeler. Bah oui, je pensais qu'on aurait pu discuter un peu plus quand bah même. Oui. Allez, c'est parti. Hop là. Rappelons à Marbéan. Non, il avait l'air en pleine forme. Ce serait quand même dommage là de ne pas rappeler. Ah, là, il est parti loin de son téléphone par contre. Hein. Oui, allô oui, excusez-moi, j'étais en communication avec votre mari, on a été coupé. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si votre couple avait passé de bonnes fêtes, parce que généralement, c'est une période qui est propice aux ruptures. Et alors? Bah voilà, j'attendais une réponse. Et où est le problème? Ah, il n'y a pas de problème, enfin, ça dépend. Si vous êtes sur le point de rompre, forcément, il y a un problème. Mais si tout va bien dans votre couple, tout va bien. Ben, je sais pas, il doit y avoir un problème chez vous, non ? Non, je crois pas. Moi, c'est pour savoir s'il y a un problème chez vous que j'appelle. Et chez vous, il y a un problème ? Non, tout va bien. Et ben, chez moi aussi. Ah, vous êtes sûr ? Parce que je vous sens un peu tendu quand même. Mais si, ça va très bien. Non, je sens que vous êtes un peu tendu, que... Non, je pense qu'il y a un malaise quand même. Et alors, même s'il y aurait quoi un malaise, même s'il y aurait quoi un décès dans la famille ou des trucs comme ça, où est le problème ? Bah, ça prouverait l'enquête qui dit que les fêtes sont propices aux ruptures et que votre couple serait au bord du gouffre. Vous êtes vraiment arrangé, franchement. Je crois que franchement, là, je crois qu'il y a plutôt des problèmes chez vous que des problèmes chez les autres, quoi. Bah, non, parce que vous savez, moi, je suis célibataire, donc j'aurais eu du mal de me séparer pendant les fêtes, quoi. Franchement, Allez, merci, au revoir. Et casse-toi. Et ben voilà, pleine forme à Marbéon, tiens. 7h58, on rappellera encore d'autres numéros tout à l'heure si vous en avez à nous communiquer. 30-44, vous y allez, on compte sur vous. Et puis on s'écoute Chris Brown maintenant avec International Love sur Fun Radio, 7h58. Chris Brown à l'instant sur Fun Radio avec Pitbull. Restez bien là, il y a Sean Paul qui arrive dans un instant aussi sur Fun Radio. Il y a 8h pile, on va passer à l'actu dans 30 secondes. À la radio, tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Il est 8h sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Je vous rembourse vos factures dans moins de 10 minutes et on passe à l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous, le trafic est perturbé sur le rail wallon. Ce matin, en cause un nouveau vol de câbles à proximité de la gare de Froyenne qui a empêché toute circulation ce matin sur la ligne Tournai-Moucron. La SNCB a mis en place des navettes de bus pour permettre aux voyageurs de rallier leur destination. Et puis une alerte au feu a été signalée à bord d'un train en gare de Mormal. C'est un problème de surchauffe qui a nécessité l'intervention des pompiers. Tout danger est à présent écarté. La tempête qui s'est abattue hier sur le pays a fait 4 blessés. Un gardien du parc Léopold à Bruxelles a été grièvement blessé après la chute d'un arbre. 2 promeneurs ont également été blessés. À Ostende, un garçon de 7 ans a eu la clavicule cassée après avoir été atteint par un objet qui s'était détaché d'une façade. Une péniche amarrée à proximité du pont d'Ougré à Liège a coulé hier soir vers 22h dans la Meuse après avoir heurté un pilastre du pont sous l'effet du courant particulier. Important, le trafic fluvial a dû être interrompu. Des vents dépassant les 110 km/h ont été enregistrés à la côte, alors que tout le pays a été balayé par de fortes rafales. Les interventions des pompiers ont été nombreuses. L'imposition des revenus a diminué en 10 ans par rapport à 2000. L'imposition des revenus a globalement baissé de 2,1%. Seuls les indépendants subissent une hausse de la fiscalité. C'est ce qu'affirme le journal L'Écho. Cette baisse résulte de la réforme de l'IPP à partir de 2001, c'est-à-dire le démantèlement de la contribution complémentaire de crise et l'amplification des réductions de cotisations sociales. L'incendie au palais de justice de Bruxelles est probablement d'origine criminelle. Le parquet a ouvert une enquête hier après-midi. 2 foyers d'incendie ont été découverts au 2e étage où est située la cour d'appel. Et puis à Liège, les funérailles d'Asma, la jeune victime de l'accident mortel la nuit de la Saint-Sylvestre, auront lieu aujourd'hui. Elles seront célébrées à la mosquée de Bressoux à 14h15. À l'étranger, aux États-Unis, un trio de têtes semblait se détacher hier soir lors du scrutin organisé dans l'Iowa pour départager les candidats républicains. À la Maison-Blanche, Ron Paul, Mitt Romney et Rick Santorum décrochant chacun environ 24% des voix selon les premiers résultats partiels. Et puis enfin, en sport, ce n'est plus arrivé depuis 10 ans. C'est un Belge qui prend la tête du Paris-Dakar. Le Polonais Christophe Olowski et son copilote belge Jean-Marc Fortin occupent la première place des autos à l'issue de la 3e étape. Il est 8h03 sur Fun Radio, bienvenue à tous. Attention, dans un instant, je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures. Mais avant cela, on fait un point sur la météo. Et bien aujourd'hui, le ciel alternera entre des nuages menaçants et des éclaircies plus ou moins larges. En soirée, quelques gouttes de pluie ou de bruine aborderont le littoral. Température de 4 à 9 degrés. Demain, retour de la pluie et retour du vent. Eh ben, quelle bonne nouvelle. L'info en plus également, c'est dans 30 secondes sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Les remboursements de factures, c'est tous les matins sur Fun Radio à 7h10, 8h10 et 9h10. Et si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, un seul numéro, vous vous inscrivez au 6322 par SMS. C'est certes 1€ le message, mais vous risquez quand même de repartir avec un remboursement intégral de votre facture. Comme par exemple là, 65€ pour l'abonnement Zumba. Il y avait également 200€ pour Tecteo, c'est vous. 68€ pour l'assurance, 40€ pour une recharge téléphone, etc. 82€ pour l'électricité. une tronçonneuse aussi. 850. Ah oui, cher la tronçonneuse, hein. 850 boules quand même. Attends, hein. C'est quoi ça? C'est une tronçonneuse. Ah bah, c'est une tronçonneuse de compétition. Ah oui, je pense, ouais. Bon, bah, si vous voulez qu'on vous les rembourse, 63-22, tout simplement, vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On appelle chez vous dans 4 minutes. Avant ça, évidemment, l'info en plus. Eh bien, il y en a qui ont peur de rien. C'est un Américain. Moi, je n'ai peur de rien. Ouais. Ah non, bah, écoute, un Américain a quand même osé sortir un billet de, tiens-toi bien, 1 million de dollars. Mais oui, moi aussi, j'ai des billets d'un million de dollars. Pour payer ça. Bah, son, il avait été faire quelques courses, il avait acheté un aspirateur, un micro-ondes, il en avait pour 476 $. Et au moment de payer à la caisse, eh bien, il sort très simplement son billet d'un million de dollars. Bah, oui. Alors, évidemment, il a été arrêté par la police. Et alors, les enquêteurs révèlent que l'homme a quand même soutenu avec ferveur que son billet n'était pas faux. Bah, donc, évidemment. C'est quand même. On a tous dingue. Des billets d'un million de dollars. Ah, pas moi, tiens, je crois que je me suis fait avoir. Ah, oui, bon, à mon avis, ouais. Voilà, ça se passe en Caroline du Nord. Tu gagnes combien? Pas grand chose. Ah, c'est pour ça alors. C'est pour ça que je n'ai pas de billets d'un million de dollars. Probablement, ouais. Donc voilà, donc comme quoi, il y en a vraiment qui osent tout et n'importe quoi. Bah, un million de dollars, il faut quand même être complètement con, hein. Bah, c'est enfin, ça, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais. Aux États-Unis, il n'y a pas de billet de plus de 100 dollars. Bah, c'est ça, voilà, donc c'est vraiment complètement idiot, quoi. Il y a enfin, que. Bon. Les euros, c'est 500 euros le plus gros, mais. Bon, t'en as déjà vu un? 500 euros, mais attends, mais j'en ai 10 000 sous mon matelas. Ah! En fait, ce sont mes nombreux cambriolages. Ah oui, voilà. C'est ça, je gagne bien. La simple vie de Julie. Exactement. Bon, 8h06 sur Fun Radio. Dans un instant, je vous appelle pour vous rembourser vos factures et on écoute Sean Paul maintenant. She Doesn't Mind sur Fun Radio. Bonne matinée avec nous. Et puis, je vous rappellerai également aussi la petite devinette qui colle pour repartir avec vos iPod Shuffle ce matin. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Mais oui, et avec grand plaisir toujours. Ben oui, on est tellement contents. De toute façon, c'est pas notre pognon. Donc c'est pour ça que nous, on est contents de les payer les factures tous les matins sur Fun Radio. On vous appelle pour vous rembourser cash vos factures. Avant d'écouter Rihanna avec You The One aussi dans quelques instants. C'est parti. On va appeler quelqu'un maintenant qui a une facture à rembourser. Allez, c'est parti. Il fallait s'inscrire évidemment au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et puis, ben, si vous êtes sélectionné, comme là par exemple maintenant, on appelle chez vous pour vous rembourser cash votre facture. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va rembourser d'ailleurs? Je ne sais même pas. Ah bah oui, mais alors. Bah écoute, on verra bien. C'est pas grave. Si il ou elle décroche, c'est gagné en tout cas. Allez, je crois que c'était 68 euros des brouettes, mais je sais plus pourquoi. Zumba, c'était pas ça? Non, non. Je pense pas. Je sais plus. Bah écoute, on verra bien. Hein. Allez, ça décroche. Bah oui, bah là, ça décroche pas, comme ça s'arrange. Allez, encore un petit coup là, et puis après on aura plié l'affaire là. Désolé. Eh ben voilà. Personne, vous avez la personne pas disponible. Veuillez laisser un message. Je suis désolé moi-même. Désolé. La personne qu'on essayait de joindre n'a pas gagné le remboursement de sa facture. Non, il faut que tu sois beaucoup plus sensuel. Oui, désolé. Désolé. Non, mais calme-toi, Toff, tout de suite. Désolé. Voilà. Bon, enfin, sinon, je peux faire ça. Hein. Tu vois, non? Non. Ouais, si, moi, je trouvais ça pas mal. Attends, mais ce matin, mais on est vraiment. On a fait mieux quand même. Hein. C'est vrai. Bon, bref, en tout cas, on t'appelait pour te rembourser ta facture. Malheureusement, tu as perdu puisque tu n'as pas décroché. C'est bien dommage. Eh bien, sache que tu peux retenter ta chance quand tu le souhaites, évidemment, au 6322 code facture. En tout cas, bonne année, bonne journée et à bientôt sur Fun Radio. Et puis, bah, les autres, hein, vous pouvez vous inscrire. Donc, sachez qu'à 9h10, on ne sélectionnera que les gens qui se seront inscrits entre 8h10 et 9h10. C'est la règle quand ça ne décroche pas. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance, évidemment. Est-ce que tu sais comment on s'inscrit, toi, pour gagner les factures, Ophélie? Je sais pas. Ah, bon, bah ça, après, c'est dramatique. Hein. Non, mais c'est vrai, après, c'est dramatique. Mais quoi? Laisse-la un peu en paix. Bah, elle sait pas, qu'est-ce qui. Quoi? Bon, allez, tant mieux. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Et encore un petit dernier de Rihanna. Je sais pas combien est-ce qu'elle va nous en faire, celle-là. Je crois que toutes les 3 semaines, il y a un nouveau son de Rihanna qui sort. C'est un truc de fou. Ouais, mais a priori, elle se dope un peu comme Guetta, ouais. Donc c'est pour ça. Ah, c'est peut-être ça. 8h16 sur Fun Radio. Il y aura l'info dans moins d'un quart d'heure. Et puis on jouera aussi au Free Code Game. Si vous voulez jouer avec nous au Free Code Game, sachez que c'est simple. Il suffit de vous inscrire au 6322. Vous débutez le message par Frit, tout simplement. On vous pose des questions. Si vous répondez bien à 3 sur 5 minimum, vous repartez avec votre iPod Shuffle. Pas trop compliqué dans l'absolu. 6322 code frites avec votre numéro de téléphone et on vous rappelle. Et puis on va parler maintenant du disque de la décennie. La chanson la plus écoutée de la décennie. Mais je suis très, parce que je connais la réponse, mais je suis assez, enfin pas déçu, le morceau est bien, mais je m'attendais pas à ça. Ben moi pas tellement en fait, j'avais déjà lu il y a quelques années que c'était une chanson super super diffusée, super écoutée, alors je vais pas laisser non plus le suspense trop longtemps. Mais si, vas-y encore un peu. C'est une chanson de Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head. C'est celui-là, c'est... Qui est donc, voilà, le morceau de Kylie Minogue a été le plus écouté de la décennie, donc des 10 dernières années. Alors c'est devant Toxic de Britney Spears. Ah ouais, quand même. Angels de Robbie Williams. C'est mondial ou c'est juste Superstar. Alors c'est une étude oui c'est ça, oui c'est l'étude de Performing Rights Society for Music. Come on. Britannique. Donc ça veut dire qu'elle s'en est mis plein les poches aussi. Et donc entre 2001 et 2011, les 5 titres donc, que je viens de citer ont été joués 875 millions de fois. Ah oui. Donc les 5 titres les plus diffusés. $1 le truc. Ouais, donc voilà. Donc il y a Kylie Minogue en première position, puis Toxic Britney Spears, Angels Robbie Williams, Superstar de Jamelia. Si on se rappelle de ça, ouais, c'est assez. Et Just a Little de Liberty X. D'accord. Qui m'étonne aussi pas mal, qui est dans les top 5 des chansons les plus écoutées. C'est quand même super. Ah ouais, c'est assez... énorme quoi. Et alors pour la petite histoire, la chanson de Kylie Minogue, donc Can't Get You Out of My Head, qu'on entend en ce moment, elle avait été initialement proposée à Sophie Lex Baxter. Elle doit s'en mordre les doigts là. Et au groupe S Club 7. Oh mon dieu, mais ça aurait bien moins marché à mon avis. À mon avis, je pense qu'effectivement le petit short, le fameux. Non, c'est pas dans celui-là d'ailleurs. Non, elle portait une combinaison blanche, je pense. Mais mon Kylie Minogue et son petit minois a forcément dû aider un petit peu. Mais oui, ça c'est clair. Oui, moi j'aimerais bien aussi voir son minois. Mais c'est ça. Ouais. Bon, mais tu savais ça, Ophélie, à Future Miss ? Je sais pas. Non. Ça c'est étonnant, c'est-à-dire je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit au courant de tout ça. Elle est quand même à... Bah quoi ? C'est dur. Bah quoi ? C'est dur. Bon, allez, Carilson maintenant avec Nelly Lose Control. T'aimes bien ça quand même ? Je sais pas, non, je sais pas. Oh, mais elle sait rien, ça devient pénible quand même. Bah c'est vrai. Je peux lui poser une question. C'est la nouvelle animation. Hein, donc c'est Ophélie, future Miss Belgique peut-être, qui ne sait rien et c'est vraiment dommage. Hein. 8h21 sur Fun Radio, c'est mercredi 4 janvier, Lady Gaga dans un instant avec Mary the Night. Et puis je vous rappelle une dernière fois, la devinette qui colle, c'est pour repartir avec vos iPod Shuffle qu'on vous offre toute la semaine. Elle peut être un mari, il s'agit d'une partie. Pour pouvoir la trouver, il vous faut diviser. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez tout ça au 6322. Comme je l'ai dit, hein, par exemple, Chouchou est là de Julie, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Quand on partage quelque chose, qu'on le coupe en deux, en général, quand on n'est que deux, évidemment, chacun a la de l'objet. Enfin, de l'objet. 50%. Voilà, c'est 50-50. Oui, c'est la part, 50-50. Voilà, si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. 63-22, c'est un euro le message. Bonne chance tout le monde. Et nous avons Pino qui est avec nous maintenant. Salut Pino. Oh, Pino qui va très vite couper sa radio, Pino. Voilà, voilà, nickel. Bon, bienvenue à toi Pino. T'appelles de Charleroi, 103.5, pour jouer avec, pour nous écouter à Charleroi et pour jouer avec nous aussi, accessoirement. Hein. N'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Ah, voilà, c'est ça. T'es sûr que tu as coupé ta radio, hein? Il y a un petit décalage. Ouais, mal, hein. Bon, très bien. Allez, en attendant, l'hymne du Free Code Game. Si tu vas en Belgique, faut pas te fatiguer à demander des tripes ou bien du cassoulet. Dans les baraques à frites, dans toutes les maisons, on te servira bien vite et en toute saison. Des frites, avec un petit pain. Des frites. Ah que ça fait du bien, des frites, du soir au matin, des frites, avec tous les copains, yo. Et voilà, yo. C'est parti, jouons maintenant au Frites Code Game. Voilà. Eh bah ouais, bah c'est comme tous les matins. Bon alors, Pino, alors attention Pino, tu connais le principe du jeu Pino, je te le rappelle. Pour nous rappeler, mais bon. Je l'écoute tous les matins. Vraiment, bon, ben je vais quand même le rappeler pour les autres auditeurs qui débarqueraient ce matin, par exemple. Le Free Code Game, c'est simple. Tu peux repartir jusqu'à, tu peux repartir avec différents cadeaux. En l'occurrence, ça va jusqu'à l'écran plat. Il y a 4 séries de questions. Petit paquet, grand paquet, puisqu'on est dans une friterie. Durum ou mitraillette. Ça va des questions les plus faciles avec des petits cadeaux aux questions les plus compliquées avec de gros cadeaux, évidemment. Tu choisis quoi? Petit paquet, grand paquet, durum ou mitraillette? Je prends Durum alors. Le Durum, c'est très bien. Allez, c'est parti, on entre dans la friterie. Il y a 5 questions, il faut faire minimum 3 sur 5 et il faut répondre du tac au tac, ok? Ok. Allez, c'est parti. Combien de cœurs à la pieuvre? Un seul. Non, 3 malheureusement, ça commence mal. Bon, c'est pas grave. Il reste 4 questions, donc tu peux encore te tromper une fois. On y va. Vrai ou faux, les All Blacks, c'est le surnom des Magic System? Faux. faux. Et bah oui, bien évidemment, ce n'est pas du tout le surnom des Magic System. Comment dit-on dance floor en anglais? Mais oui, pas mal. Tu vois, c'est pas mal. Attention, question suivante. Si tu réussis, c'est gagné. Comme Dark Vador est le père de Luke Skywalker, qui est Dark Vador pour toi si tu épouses Luke? Et je recommence. Comme... Ouais, la balade. Et alors attention, la dernière, mais c'est pour le fun. Vrai ou faux, y aura-t-il un Titanic 2 où il revient pour se venger? Faux, faux, faux, oui, oui, oh là là là là là, c'est beau, c'est beau. Carton plein. Oh là là, le carton. The Frilid Code Game. Oh, voilà, c'est beau. Énorme. Eh ben, c'est beau. C'est... Ah bah, bravo, je suis fier de toi, Pino. 4 sur 5, ça te permet de repartir avec ton iPod Shuffle, puisque tu as choisi le Doom. T'aurais pris Mitraillette, que t'aurais gagné un écran plat. Mais bon, là, c'est. L'iPod Shuffle, c'est déjà pas mal, Pino. Ouais, c'est très bien. Eh ben, écoute, comment moi. La journée. Eh ben, voilà, t'as vu un peu. Tu fais quoi dans la vie, Pino? Ben là, je travaille dans la télédistribution. Je suis en camionnette avec mon collègue. D'accord. Ah, télédistribution, c'est quoi? C'est vous, Numéricable, c'est ça? C'est pour vous. Ah, pour vous, d'accord, ok, très bien. Eh ben, écoute, pas de problème, Pino. Ben, passe une bonne journée, puis bon boulot, et puis ben, reste au standard. On prend tes coordonnées pour t'envoyer ton iPod Shuffle. Tu veux d'ailleurs quelle couleur? Gris, vert, orange, bleu ou rose? Bah, ben, je vais le prendre en gris. En gris, eh ben pas de problème, j'avais compris cuir. Oui, moi aussi. J'ai compris. Oui, en gris, c'est très bien. Parfait, bah, bonne journée Pino, salut, salut, merci à bientôt. À allez, ciao à toi. Salut, et puis bah voilà, encore un iPod Shuffle qui est parti. Et puis on va vous enfiler un dans un instant avec la réponse à la devinette qui colle. C'est juste après Lady Gaga maintenant et Marry the Night. Il est 8h28 sur Fun Radio, il y a Liki Li dans un instant avec Eiffel Rivers, ça va arriver dans un instant. Et puis il y aura la déclaration express bien sûr, et il y a Patricia sur le groupe Facebook, tiens, sur facebook.com, qui dit Patricia, est-ce que Ophélie, donc la future peut-être Miss Belgique dont on parle, qui est notre co-animatrice là cette semaine, est-ce qu'elle connaît son prénom? Je sais pas. Ah, ça oh c'est... Là, êtes... Non mais là je comprends pas par contre, hein. je comprends, donc tu ne connais pas ton prénom? Je sais pas, non je sais pas. Ça c'est exceptionnel. Je suis assez choqué quand même. Rien à ajouter. D'abord, alors d'accord. Je n'ai rien à dire. Jean-Luc est avec nous. Salut Jean-Luc, comment ça va? Ça va très bien avec vous. Ben ça va bien aussi Jean-Luc. Bon, en pleine forme Jean-Luc, t'appelles de la Louvière? Non, de Bois-Villers. De Bois-Villers. Mais oui, c'est pareil. Il n'y a pas de problème, le Mami la Louvière, mais il n'y a pas de mal. Hein. Ah, bah Bois-Villers, sa Louvière, hein. C'est pareil. Bon, ça ressemblait aussi à Ostende, il aurait pu se tromper. Hein, ouais. Encore une fois. Aussi, hein. C'est vrai. Bon, Jean-Luc, alors toi tu avais la réponse à la devinette qui colle. Je vais la rappeler maintenant, la petite devinette qui colle. Alors où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle peut être un mari. Il s'agit d'une partie. Pour pouvoir la trouver, il vous faut diviser qui est-elle? La moitié, gars. Eh ben oui, la moitié, bien sûr, puisque Chouchou est la moitié de Julie. Oui, quand on partage moitié, 50-50, évidemment. C'est moitié-moitié. Eh ben bravo à toi, Jean-Luc. Encore un iPod Shuffle qui s'en va, cette fois-ci par Bois-Villers. Donc tu veux quoi? Gris, bleu, vert, orange ou rose? Oh, un rose, hein. Un rose? Ah ben, il n'y a pas de problème. Ben mais voilà, mais il a bien raison. Mais au y a moins pas de lui, problème, Jean-Luc. Il est très original. Attends, il n'y a pas bon, de malaise. Au moins, il a du goût. C'est tout. Bon, ben salut, Jean-Luc. Et passe une bonne journée. Et puis une bonne année également. Je peux donner un petit mot? Eh ben vas-y, donne le mot. Eh ben, un grand bonjour à tous mes collègues du transport Abraham, hein, qui sont sur la route pour l'instant. Eh ben, on embrasse le transport Abraham. Et à ma petite femme que j'adore. Hein. Il n'y a pas de problème. Non. Ça marche. Pas su. Oh, salut à toi. Salut. Bon, ben, salut, avec moi, hein. Ah, ben, c'est très bien, c'est très bien. Ben, embrasse tout le monde alors. À bientôt, en tout cas, Jean-Luc. Eh ben, un grand bisou à vous, merci. Salut, ciao à toi, bye bye. Bon, et dans un instant sur Fun Radio, on écoutera le son de Liki Li avec iPhone Rivers sur Fun. Et il y aura notre invité mystère aussi dans quelques instants. Ne bougez pas de là, c'est pas mal non plus encore aujourd'hui. Hein. Et à 8h30 sur Fun Radio, passons à l'actu maintenant avec July. Bonjour à tous, le trafic est perturbé sur le rail wallon ce matin en cause un nouveau vol de câble à proximité de la gare de Froyenne qui a empêché toute circulation ce matin sur la ligne tournée Moucron. La SNCB a mis en place des navettes de bus pour permettre aux voyageurs de rallier leur destination. Et puis une alerte au feu a été signalée à bord d'un train en gare de Mormal. C'est un problème de surchauffe qui a nécessité l'intervention des pompiers. Tout danger est à présent écarté. La tempête qui s'est abattue hier sur le pays a fait 4 blessés. Un gardien du parc Léopold à Bruxelles a été grièvement blessé après la chute d'un arbre. 2 promeneurs ont également été blessés. À Ostende, un garçon de 7 ans a eu la clavicule cassée après avoir été atteint par un objet qui s'était détaché d'une façade. Une péniche amarrée à proximité du pont d'Ougré à Liège a coulé hier soir vers 22h dans la Meuse après avoir heurté un pilastre du pont sous l'effet du courant particulièrement fort. Le trafic fluvial a dû être interrompu. Attention, le répit est de courte durée. Les vents violents sont de retour demain. L'incendie au palais de justice de Bruxelles est probablement d'origine criminelle. Le parquet a ouvert une enquête. Hier après-midi, 2 foyers d'incendie ont été découverts au 2e étage du bâtiment où est située la cour d'appel. 2 pompiers ont été légèrement blessés. L'imposition des revenus a diminué en 10 ans par rapport à 2000. L'imposition des revenus a globalement baissé de 2,1%. C'est ce qu'affirme le journal L'Écho. Seuls les indépendants subissent une hausse de la fiscalité. Alors cette baisse résulte de la réforme de l'IPP à partir de 2001, c'est-à-dire le démantèlement de la contribution complémentaire de crise et l'amplification des réductions de cotisations sociales. À Liège, les funérailles d'Asma, la jeune victime de l'accident mortel de la nuit de la Saint-Sylvestre, auront lieu aujourd'hui. Elles seront célébrées à la mosquée de Bressoux à 14h15. Et puis près de 16 000 personnes ont demandé l'année dernière à être interdites d'accès au casino. Selon les chiffres officiels de la commission des jeux de hasard, un chiffre en augmentation d'année en année, font remarquer les associations qui traitent de la dépendance aux jeux de hasard. Et puis à l'étranger, aux États-Unis, un trio de têtes semblait se détacher hier soir lors du scrutin organisé dans l'Iowa pour départager les candidats républicains à la Maison-Blanche. Ron Paul, Mitt Romney et Rick Santorum décrochant chacun environ 24% des voix selon de premiers résultats partiels. Et puis enfin en sport, ce n'était plus arrivé depuis 10 ans. C'est un Belge qui prend la tête du Paris-Dakar. Le Polonais Krzysztof Holowski et son copilote belge Jean-Marc Fortin. Elle est contente, Julie, hein, occupent la première place des autos à l'issue de la 3e étape. Mais j'ai la température, donc j'essaie de me mettre un peu dans l'air. Je commence à partir là. Ça va bien se passer. Tu veux qu'on te fasse un petit peu de ventilateur? Oui, mais ça j'ai froid et chaud en même temps. On va demander à Sandro, le stagiaire, de mettre un petit carton devant toi pour aller. Donc tu vois, j'essaye de mettre un peu d'intonation dans mes infos. Quoi, ça va aller, ça va aller. Allez, la météo, justement, ça va te rafraîchir là, normalement. Le ciel, oui, effectivement, le ciel alternera entre des nuages. Merci, Toff, pour le ventilateur. Le ciel alternera entre nuages menaçants et éclaircies plus ou moins larges aujourd'hui. En soirée, quelques gouttes de pluie seront attendues au littoral. Température de 4 à 9 degrés demain, retour de la pluie et du vent, malheureusement. Ah oui, il faut que ça revienne à un moment ou à l'autre. C'est dur. Ah oui, dans un instant, notre invité mystère sur Fun Radio, il y aura Licky Lee côté musique avec I Follow Rivers pour le son Dance Floor. Et nous avons maintenant l'info en plus. Eh bien, on a parlé de tempête forcément qui a balayé notre pays hier, et quand on parle de grosses tempêtes, eh bien elles ont toujours un nom. Par exemple, la tempête Joachim, c'est la dernière dont on a parlé. Eh bien, d'où viennent en fait ces noms? Qui choisit de donner des noms comme ça aux tempêtes? Eh bien, ce n'est pas moi, malheureusement. C'est l'université de Berlin qui gère l'appellation des noms de tempêtes depuis 1954, mais en fait depuis 2002, l'université a décidé de proposer à la vente en fait les prénoms. Donc chaque citoyen peut ainsi donner son nom à une tempête. Donc une dépression vaut 199 euros et un anticyclone en vaut 299. C'est toujours moins cher qu'une cure de Prozac. Hein. Oui, mais en fait l'anticyclone, dépression, c'est un phénomène Prozac, plus. Ah oui, oui, d'accord. Vous avez compris. Ah non, oui. C'est parce que j'écoute pas. Hein. Ah oui, mais c'est ça. Eh bien écoute, c'est dur quand même. Hein. Personne ne m'écoute dans ce studio. Je vais quand même terminer mon info. Mais oui, mais toi, enfin. Je vais terminer mon info vite fait. Donc ça rapporte. Il a pas d'humour. Moi, j'ai de l'humour, mais lui, par contre, rien du tout. Alors qu'elle est malade. Alors qu'elle est malade, la pauvre. Juste pour vous dire, c'est dur. Juste pour vous dire, quand même, l'année dernière, ça a rapporté 35 000 euros à l'université de Berlin, qui donc vend les prénoms de tempêtes. Mais c'est un bon plan. Moi aussi, je vais vendre des noms de tempêtes. Mais tu n'es pas officiel. C'est pas grave. Je vais sur PayPal. Je vous donnerai mon adresse mail. Vous me faites un petit don et la prochaine tempête, je l'appellerai de votre nom. D'accord. Voilà, juste Mickaël, moi. Mickaël, paye ta tempête. Oui, exactement. T'offres ta tempête, ça c'est pas mal. Bon, allez, 8h36 sur Fun Radio. Dans un instant, notre invité mystère, la déclaration express également. Et le son que vous avez découvert sur Fun Radio il y a plusieurs mois maintenant. Licky Lee, c'est I Follow Rivers. 8h36, bonne matinée avec Fun. 9h-20 sur Fun Radio, 8h38 pour être précis, on vous rembourse vos factures tout à l'heure. Si vous voulez vous inscrire pour les remboursements de factures, sachez que tout à l'heure à 8h10, personne n'a gagné, ce qui veut dire qu'on ne sélectionnera dans une demi-heure que ceux qui se seront inscrits entre 7h10 et entre 8h10 et 9h10, pardon. Donc vous pouvez encore vous inscrire maintenant, allez-y, bonne chance tout le monde. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture, comme là 51€ pour le développement des photos, 65€ pour les chaussures en solde, 55€ pour des langes, 120€ pour la compte pour l'eau, 110€ pour la facture GSM, etc., etc. Oui, en plus c'est les soldes là, depuis hier. Ouais, donc, il devrait y avoir de la facture là qui va tomber. Bon, Christophe est avec nous de Namur, 22 ans. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et vous? Bon, écoute, ça va. Je commence un peu à avoir un peu mal à la gorge. Je crois que c'est Julie qui m'a transmis ça. Mais ça ouais, crasse, mais ouais, c'est ça, avec ces microbes qu'elle nous ramène tous les matins. Évidemment, mais moi, dès que je peux faire du mal, j'en profite. C'est ça le microbe là. Enfin bon. Bon, Christophe, tu vas bien? T'es en pleine forme toi? Bah non, j'ai la crêpe aussi. Ah, t'as la crêpe aussi? Ah, bah tu peux mettre un petit mouchoir avant de te combiner, s'il te plaît, pour éviter les microbes, si c'est possible. Mmh. Hein. Voilà. Il va parler comme ça. Dorénavant, ça va être bien. D'ailleurs, Julie devrait parler comme ça aussi. Ouais. Ce serait quand même vachement mieux. Hein. Ah ouais, ce serait sympa. Ce serait plus safe pour tout le monde. Bon, Christophe, alors, on va faire une petite déclaration express maintenant. Tu veux qu'on appelle Nathalie, mais qui est Nathalie pour toi? Ma fiancée depuis 3 ans. C'est... Ah, oh, depuis 3 ans. C'est mignon. Donc, ça fait 3 ans que t'es fiancée. Parce qu'il y a un moment, il faut se marier quand on est fiancé. Hein. Ouais, mais le mariage, c'est pour plus tard. Ah, d'accord, ok. Ouais, bon, ça coûte trop cher. Bah, il n'y a pas les moyens. Ouais, voilà, mais il a raison, c'est vrai que ça coûte cher. En plus, le divorce aussi coûte cher après. Enfin, c'est un investissement. Faut voir un investissement. Ouais, c'est un investissement sur le long terme, le mariage. Ouais, faut voir. Bon, Christophe, on y va, on l'appelle. Dès qu'on l'a au téléphone, tu lui dis voilà, j'avais un truc à te dire et nous, on dégaine derrière, d'accord? Ouais, ça va. Bon, c'est parti, on y va. Hop là. Composition, on appelle Nathalie de suite. Qui est peut-être chez son amant actuellement. C'est toujours un risque d'appeler. C'est vrai? C'est toujours un risque. Si c'est le répondeur, tu laisses un message quand même. Hein. Ouais, ça va. À son amant. Allô? Allô, mon cœur? Oh, mon Dieu. Ouais. Non, c'est... Ouais, mais écoute, du coup, c'est Fabi. Oui. Je t'ai rencontré il y a 3 ans et demi. Quand j'ai vu tes toffes, j'étais dans mon lit. Maintenant que t'es ma meuf, il faut que je te dise, je les ai matées toute la nuit. Attendu, mais quand je t'ai vu, le temps j'ai pas perdu, je t'ai collé au cul, on s'est plus lâché, et un moment on a fait, pour ça je voulais te remercier. Bébé c'est pour toi, c'est quelques lyrics, pour une meuf bien, pas une belle fille. C'est clair que c'est rare, surtout dans ce pays, pas tomber sur une bête fille. Et là, il y avait les frères jumeaux aussi de Lob, yeah, qui étaient dans la chanson, dis donc. Alors Lob, il faut que t'arrêtes avec les effets. Hein. Là, c'est trop d'effets, tu les fais en fait, donc c'est fini. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé, Nathalie? Qu'est-ce que... Mais non. Qu'est-ce que tu en as pensé, Nathalie? Ouais, ça va, c'est bien. Ah oui, ça ouais, va, c'est bien. Oui, ça aurait pu oui, être mieux. Oui, c'était mignon quand même. Ouais. Oui, ça aurait pu être mieux, mais bon, là, ça m'a un peu déçu. Mais quand bon, même. Voilà, moi, on fait des chansons tous les jours et c'est là, c'était moyen. Hein, c'est là, c'était pas terrible. Bon, bah, en tout cas. Bon, bah, tant mieux alors. Bon, bah, gros bisous, Nathalie, gros bisous, Christophe. Vous venez quand vous voulez, tous les deux. Ok, bonne journée à vous alors. À bientôt, exactement, ouais. Merci, bonne journée à vous et puis bonne année également. Dans un instant, notre invité mystère qui va arriver sur Fun Radio, qui vous permettra de repartir avec vos iPod Shuffle. Donc restez bien là. Et puis bien évidemment, côté musique, avant de faire l'infotrafic, c'est Avicii qui s'y colle maintenant avec Levels. 8h42, bon réveil sur Fun. Le son de Mister You arrive dans un instant sur Fun Radio. Il y aura également Ina avec Juan Magan et Un Momento. Et puis l'infotrafic maintenant, que se passe-t-il sur les routes, Julie? Soyez prudents, accident sur le 314 Lumen en direction de Leuven à hauteur de Kastelsberg. Bande de gauche, c'est milieu obstrué au kilomètre 84.4. Et puis objet encombrant sur la N34 à hauteur de Middelkerk en direction de Ostende. Attention, la chaussée est fermée. D'accord, donc si vous êtes sur la route, faites gaffe, hein, évidemment. Et si vous êtes témoin d'un problème sur la route aussi, profitez-en. Pour l'instant, c'est encore un petit peu pépère là sur la route parce qu'il n'y a pas les étudiants, il n'y a pas l'école, etc. Mais la semaine prochaine, normalement, ça devrait être beaucoup plus compliqué pour vous. Mais bon, En attendant, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, eh bien, vous nous transmettez ça, la Fun Solidarité, au 3044, 50 centimes le message, ou par mail directement, mikl@funradio.be. Et avant d'écouter Mystery et Colonel Rayel, justement, nous avons notre invité mystère. Je ne sais pas si tu la connais, Ophélie. Je ne sais pas, mais c'est normal en même temps, tu ne l'as pas encore écouté. Écoute bien, c'est notre invité mystère ce matin. Vous allez l'adorer. Je savais que ça existait, mais j'étais loin d'imaginer un tel résultat. Mes cheveux abîmés sont enfin éclatants de santé. Eh oui, elle a fait la Star Academy. Pas pour faire ça au final, hein, mais... Voilà. Non, mais il faut la voir, hein, parce que tu sais, c'est... Elle prend ses cheveux et tout, c'est... Ouais, c'est classe. Enfin, non. Voilà. Bon, c'est une chanteuse, fatalement chanteuse, puisqu'elle a fait la Star Academy. Elle a relativement meilleure vente de l'année dernière. Ah, quand même. Ouais. Bon, bah, si vous avez une idée, quel est notre invité mystère, justement, je vous la remets. Vous allez l'adorer. Je savais que ça existait, mais j'étais loin d'imaginer un tel résultat. Mes cheveux abîmés sont enfin éclatants de santé. Ce qui veut dire qu'avant, elle avait des cheveux de merde. Ophélie, on commence à rigoler de nouveau encore une fois. Oui, effectivement. Enfin bon. Bon, si vous avez la bonne réponse, quel est notre invité mystère? Il y a des iPod Shuffle à gagner au 63-22, 1 euro le message. Bonne chance tout le monde. J'ai quand même envie de rajouter Bretonne. Oui, Bretonne, ouais, effectivement. Ouais, j'entends le loup, le renard et la belette. Oui, c'est vrai qu'on pouvait également rajouter ça. D'ailleurs, je suis content que tu l'aies rajouté toi-même. Dans un instant, Mister You sur Fun Radio avec Mets-toi à l'aise, ça arrive, et il y aura aussi la ligne anti-relou sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial, c'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Je sais pas. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. C'est Fun Radio, 8h51. Dans un instant, on va appeler avec Toff là pour poser des questions aux gens, hein, pour savoir si effectivement ils ont, comme le dit l'enquête sur laquelle Toff est tombé, est-ce qu'il y a eu des conflits entre amis, famille à cause de Noël et Nouvel An, du style ouais, t'es passé Noël chez moi, tu veux pas venir chez moi cette année alors que l'année dernière je suis venu chez toi, et ainsi de suite. Ouais, tu m'as fait chier pour aller chez tes parents, voilà. Ta mère elle est relou. Donc on appelle des gens là ce matin, et pour l'instant, bon, à part ce nous faire insulter, on n'a pas réussi à trouver de solution. Et j'étais très déçu encore une fois. Ouais, c'est vrai. Bon, enfin, on appellera d'ici quelques instants. Avant sa ligne anti-relou, tous les matins sur Fun Radio, 7h, 8h et 9h moins 10, ce sont les meilleurs messages qui ont été laissés au 0473 86 00 13. Allez hop, on écoute les premiers. Salut, tu m'as donné rendez-vous à la gare. Ouais, ok. Très bien, pourquoi il s'est arrêté? Il est con quoi. Allez hop, on le remet. Salut, tu m'as donné rendez-vous à la gare ce midi. Et je sais pas, ça fait 3 heures que je t'attends, 3 heures de désespoir parce que je ne te vois pas. Écoute, là je suis vraiment désespérée. J'espère que c'est juste que t'avais oublié, j'espère que tu ne m'as pas fait faux bond. Voilà, je t'aime. Oh, très fort. Voilà, ne me prends pas pour une grosse handicapée, mais bon, tu sais, quand les sentiments sont là. C'est dur de les cacher. Ah oui, voilà. Évidemment. Je t'aime énormément. Bien sûr. Mouah. Ouais. Ah voilà. Là là, c'est dur. Et surtout ce moi dégueulasse à l'arrière. Hein. Allez, deuxième et dernier message. Ouais, salut Christine. Comment dire? Tu m'as laissé là, hein? Viens d'animer les gens au boulot. De me dire, ouais, viens. Ah, viens. Hein, mais là, je suis devant chez toi. Tu as l'adresse que tu m'as donnée. Ça fait 2 heures que je sonne. Puis je t'appelle, tu réponds pas. Je t'attends. Tu reçois un bac à message. Non, ben. Tu ne veux pas me soucier, tu me le dis, hein? Oh non! Ah, j'adore! Oui, c'est le contraire, nous aurait étonné. 8h53 sur Fun Radio, le retour de la ligne anti-relou, c'est demain, bien évidemment. Et puis notre invité mystère, c'est tout de suite. Écoutez bien notre invité mystère. Vous allez l'adorer. Eh oui, je savais que ça existait, mais j'étais loin d'imaginer un tel résultat. Mes cheveux abîmés sont enfin éclatants de santé. Voilà, l'éclatant. Et les cheveux sont en. Oh non. Merde, qu'est-ce qu'il dit, éclatant de santé. Éclatant de santé, voilà, c'est ça. Bon, si vous savez qui est notre invité mystère, elle a fait la Starac, elle a gagné. Ça a été la chanteuse qui a vendu le plus de disques l'année dernière, c'est ça? Une de celles qui a vendu le plus de une disques. Une de celles. Ça a cartonné son. Ses chansons bretonnes. Ses chansons bretonnes, exactement. Elle est sûre dans le top 5 et je crois même. Au moins dans les deux premiers. D'accord. Bon, en tout cas, elle a bien gagné sa vie, ça c'est clair. Elle a fait la Starac, elle a gagné donc. En quelle année? Je me souviens encore. Oula. 2000. Ça fait longtemps, hein, mais. 4, 5, je sais plus. Bon, bref, en tout cas, si vous avez la bonne réponse, il y a des iPod Shuffle à gagner. Bonne chance tout le monde, 63-22, c'est 1 euro le message. Bonne chance donc. Et on écoute Mister You maintenant et le Colonel Rayel. C'est Mets-toi à l'aise sur Fun Radio. Mets-toi à l'aise. Il est 8h57, il y a Ina qui arrive dans un instant et nous allons, car nous ne sommes pas en avance, appeler maintenant en direction EY. Eh oui, appelons EY. Eh oui, EY maintenant pour vérifier si effectivement ça s'est bien ou mal passé au niveau du réveillon. Est-ce que eux aussi ils se sont pris la tête avec leur famille ou leurs amis, puisque Toff est tombé sur une info qui disait que en général pendant les fêtes c'est là qu'on se prenait le plus la tête avec la famille ou avec les amis, puisque bah il y en a un qui veut peut-être pas forcément aller chez celui qu'il a invité l'année dernière et ainsi de suite, et toi tu veux pas venir chez moi mais je suis venu chez toi l'année dernière, t'es un con, ouais, et ainsi t'es un connard, salaud. Enfin bref, vous avez certainement vous voyez certainement de quoi je veux parler. Non, pas du donc tout. Appelons maintenant à EY. Allez c'est parti, premier appel. La police d'État? Non, malheureusement ce n'est pas. Et oui, parce que EY5O, ça a tout de suite la classe. Allez. Personne qui décroche, EY. Allô ? Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce qu'il paraît que la période des fêtes est assez propice aux ruptures. Et donc, je voulais savoir comment ça se passait dans votre couple. Ah, ah voilà, ça a mérité d'être clair. Hein. Deuxième appel. Plus, oui. Deuxième appel à EY. Allez, c'est reparti. En parlant des EY5O, j'ai vu la phrase, c'est vachement sympa. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Voilà, en fait, j'étais au téléphone avec votre femme, mais on a été coupé. Ouais, c'est Fun Radio, ouais, allez. Ah. Oh, bah c'est con, il serait resté, on lui refaire un cadeau. Il est con, lui. Bah ouais, c'est dommage. Oh, ce Fun Radio, allez, hein. Oh merde, bon bah tant pis. Hein. Bon, on va parce que le mec, plus, il sait que c'est nous, donc parle-nous. Bah oui, ouais, oui, c'est ça. Bah tant pis. Bon, et 8h59, tant pis, c'est pas grave. On va s'écouter le son d'Ina maintenant avec Juan Magan et Un Momento. Et puis juste après, promis, ce sera l'info avec Julie, bien évidemment. Et puis le dernier remboursement des factures, c'est à 9h10 que ça se passe. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, 6322, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance, tout le monde. Ina à l'instant sur Fun Radio avec Juan Magan et Un Momento. Dans un instant sur Fun Radio, c'est l'info avec Julie également, et on écoutera le son de l'MFAO avec Sexy and I Know It sur Fun. Nickel à la radio sur Fun Radio. 9h01 sur Fun Radio, passons à l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous, le trafic est perturbé sur la rail wallon ce matin en cause un nouveau vol de câble à proximité de la gare de Froyenne et qui a empêché toute circulation ce matin sur la ligne Tournai-Moucron. La SNCB a mis en place des navettes de bus pour permettre aux voyageurs de rallier leur destination. La tempête qui s'est abattue hier sur le pays a fait 4 blessés. Un gardien du parc, Léopold à Bruxelles, a été grièvement blessé après la chute d'un arbre. 2 promeneurs également, et puis à Ostende, un garçon de 7 ans a eu la clavicule cassée après avoir été atteint par un objet qui s'était détaché d'une façade. Une péniche amarrée à proximité du pont d'Ougré à Liège a coulé hier soir vers 22h dans la Meuse après avoir heurté un pilastre du pont sous l'effet du courant particulièrement important. Le trafic fluvial a dû être interrompu. Attention, le répit est de courte durée. Les vents violents sont de retour demain. L'incendie au palais de justice de Bruxelles est probablement d'origine criminelle. Le parquet a ouvert une enquête hier après-midi. Pour rappel, 2 foyers d'incendie ont été découverts au deuxième étage où est située la cour d'appel. 2 pompiers ont été légèrement blessés. L'imposition des revenus a diminué en 10 ans par rapport à 2000. L'imposition des revenus a globalement baissé de 2,1%. Seuls les indépendants subissent une hausse de la fiscalité. C'est ce qu'affirme le journal L'Écho ce matin. Cette baisse résulte de la réforme de l'IPP à partir de 2001, c'est-à-dire le démantèlement de la contribution complémentaire de crise et l'amplification des réductions de cotisations sociales. À Liège, les funérailles d'Asma, la jeune victime de l'accident mortel de la nuit de la Saint-Sylvestre, auront lieu aujourd'hui. Elles seront célébrées à la mosquée de Bressou à 14h15. Et puis, près de 16 000 personnes ont demandé à être interdites d'accès au casino l'année dernière, selon les chiffres officiels de la commission des jeux de hasard. Un chiffre en augmentation d'année en année, font remarquer les associations qui traitent de la dépendance aux jeux de hasard. Et puis, à l'étranger, aux États-Unis, Mitt Romney a remporté le scrutin organisé hier dans l'Iowa, devançant de seulement 8 voix son rival Rick Santorum, lors de cette consultation marquant le début du processus de sélection d'un candidat républicain à la Maison-Blanche. Et puis enfin en sport, ce n'était plus arrivé depuis 10 ans. C'est un Belge qui prend la tête du Paris-Dakar. Le Polonais Christophe Olowski et son copilote belge Jean-Marc Fortin occupent la première place des autos à l'issue de la 3e étape. Et il est 9h04 sur Fun Radio. Soyez les bienvenus dans un instant. Le remboursement de vos factures, ce n'est pas tombé à 8h10, ce qui veut dire qu'on ne sélectionnera que ceux qui se seront inscrits entre 8h10 et 9h10. Et je vous explique comment ça se passe après la météo. Eh bien, le ciel alternera entre des nuages menaçants et des éclaircies plus ou moins larges. En soirée, quelques gouttes de pluie ou de brune aborderont le littoral. Température de 4 à 9 degrés. Demain, retour du vent et de la pluie. Quelle bonne nouvelle! Allez, je vous explique dans un instant comment ça se passe pour vous faire rembourser vos factures. C'est dans 30 secondes. Fun Radio. Allez, dernière possibilité aujourd'hui pour vous faire rembourser vos factures sur Fun Radio, c'est au 6322, code facture. En gros, vous débutez votre message par facture, vous mettez ensuite le montant et l'objet de la facture à rembourser. Comme là, 74 euros pour Baze, 75,25 euros pour Baze, c'est une deuxième évidemment. Chaussures, 65 euros, 83 euros pour des rideaux, 51 euros pour le développement de la photo, 65 euros pour des chaussures en solde, 15 euros pour une recharge téléphone, 32 euros pour mobile Star, etc., etc. Si vous voulez vous faire rembourser vos factures dans moins de 4 minutes, 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Mais on en parle dans un instant après l'info en plus de Julie. Eh bien, ça se passe aux États-Unis. Il y a un Américain âgé de 53 ans qui s'appelle Michael Fuller et qui n'a peur de rien. En fait, il était dans un magasin en Caroline du Nord où il avait fait ses petites courses. Il avait acheté un aspirateur, un micro-ondes et d'autres articles comme ça. Il en avait au total pour 476 quand même. C'est pas cher, mal. Mais et là, bon. Et là, il sort son portefeuille et il sort son billet $1,000,000. Oui, pratique hein, pour voilà, casser la monnaie. Donc, casser le billet, donc... c'est pratique. Hein. Ouais, pour rendre sur $400, ça c'est. Voilà, exactement. Vous avez une valise? T'as toujours ça en caisse, quoi, c'est ça qui est bien. Hein. Donc le gars. Je vous le mets en lingot si vous voulez. Hein. Oui, ok, d'accord. Forcément, il a été arrêté par la police. Alors les enquêteurs révèlent quand même que le gars, au moment de se faire arrêter, il a quand même soutenu avec ferveur que son billet n'était pas faux. Bah, bien sûr. Pour lui, son billet de $1,000,000 a été complètement vrai. Et donc voilà, faut quand même rappeler qu'aux États-Unis le plus gros billet en circulation aujourd'hui c'est quand même $100. Ouais, c'est ça. Différence. Ouais. Tu m'étonnes. Et donc voilà, il y en a qui osent tout et n'importe quoi. C'est clair. Mais pourtant c'est marrant parce qu'il s'appelle Michael, en général ces gens-là sont plutôt intelligents. Ah non, pas, tu vois, bah, la lui preuve. Comme quoi, tu vois, l'exception confirme la règle, comme on dit. C'est ça. Allez, les VFAO maintenant sur Fun Radio à 9h07 avant le remboursement de vos factures et la découverte de notre invité mystère qui vous permettra de repartir avec un iPod Shuffle dans un instant sur Fun, c'est LMFAO. Sexy and I Know It maintenant sur Fun. Le son de David Guetta arrive dans un instant sur Fun Radio. David Guetta et Usher, ce sera le son de Without You pour le son Dance Floor évidemment. Et puis à 9h10, on va vous payer. Et bien payer vos factures maintenant. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Exactement, c'est chaque matin sur Fun Radio, 7h10, 8h10 et 9h10. On appelle chez vous pour vous rembourser vos factures, n'est-ce pas Julie? Voilà, très bien, parfait. Bon, comment ça va Julie, les infos, préparer les infos là pour 10h avec Lucas? Oui, je suis au taquet, je suis prête, je suis malade, oh là là, c'est là, très dur. Oh fou. Et mais pourquoi tu vas pas voir un médecin Julie? Mais parce que ça sert à rien les médecins, ça coûte trop cher. Ah d'accord, ok, bon bah tant pis alors, parce que c'est vraiment dommage, hein, parce que si t'es, c'est peut-être que tu dormais les fesses à l'air Julie, c'est peut-être pour ça que t'es malade. Non, elles sont jamais à l'air, il y a toujours chouchou pour les couvrir. Ah d'accord, ok, bon bah ça va, ça nous voilà rassuré alors. Bon, on va payer les factures maintenant, Julie? Eh ben, on y va, allez, dépêche-toi! Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant. Je suis malade, maintenant. Je suis pas mais bien, oui, je sais. Je sais, c'est très dur. J'ai chaud, j'ai froid, mais je oui, sais je... pas. Mais oui, je sais. Bon, allez, c'est parti. Oui, Julie, je sais pas où Parti aux toilettes? Je ne sais pas. Bon, allez, on appelle maintenant pour rembourser vos factures. Allez, c'est parti. Si la personne décroche, c'est gagné. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin? Fun Radio! Eh ben bravo! Eh ben voilà! Jules, tu veux dire bonjour à l'auditrice, hein? Oui, bonjour! Voilà. Vous êtes des grands malades, hein? Des grands malades! Bonjour, comment tu t'appelles? C'est Julie! Non, mais pas toi, Julie! Attends, mais qu'est-ce que t'as, toi? C'est quoi le problème, là? Je ne comprends pas. Dis-moi comment tu t'appelles! Julie! Non, pas toi! À chaque fois, j'entends pas. Tu dis comment? Sylvia, sois la bienvenue Sylvia. C'est Mickaël, donc tu as c'est forcément un prénom, merde. Merci Julie, c'est Julie. Beaucoup plus joli. Oui, on a compris Julie. Super. Bon, mais là, je vous écoute à un instant là. Ah bah tant mieux. En voiture, en plus. Tant mieux, tu veux qu'on te rembourse des jeux d'anniversaire mais c'est quoi? Ben en fait c'est un jeu pour les garçons, les jumeaux parce que j'en ai trois donc Ah ouh là là, t'en as trois d'un coup. Ah oui. D'accord. Voilà quoi. Ah bah il faut bien les payer maman, hein, c'est normal. Eh ben écoute Sylvie, on va te payer ça, pas de problème, on va te rembourser les jeux pour les jumeaux. Alors pas de problème. Bah passe une bonne journée, une bonne année Sylvia. Ouais, merci. Bientôt. Ouais. Salut Sylvia, bon, ciao à toi. Et on remet le couvert demain bien évidemment avec comme d'habitude des nouvelles factures qu'on va vous rembourser dès 6h du mat sur Fun Radio et puis on va s'enchaîner maintenant le son de Britney Spears avec Criminal. Et juste après, bien sûr, encore une fois, notre invité mystère qui arrive sur Fun Radio. Tu connais quand même Britney Spears, Ophélie? Je sais pas, non, je sais pas. Bah, c'est la petite là qui chante là? Je sais pas. C'est incroyable. Dans un instant sur Fun Radio, il y a David Guetta qui arrivera pour le son Dancefloor avec Usher. Et ce sera Without You, bien évidemment. Et puis notre invité Mystère qui est encore avec nous, écoutez-la. Vous allez l'adorer. Mais oui. Je savais que ça existait. Grave. Mais j'étais loin d'imaginer un tel résultat. Mes cheveux abîmés sont enfin éclatants de santé. Eh oui, éclatant de santé. Alors, qui est des cheveux éclatants de santé, justement? Elle a gagné la Starac et les brunes. En 2002, hein, c'est et bretonne. Ah, 2002? Ouais, ouais, 2002. Ah, ça fait 10 piges, presque. Eh ouais. C'est une. Wow. Ouais, non, c'est dingue. Ah, ouais, bah, la vieille aussi, forcément. Ah, mais ça me rajeunit pas! Ah, bah non, c'est sûr. Non, mais attends, mais lui, bah, il va. Oh là là, il me laisse tomber, quoi. C'est ça notre. Même pas la peine que je prête attention. C'est notre Julie, mais avec un D, c'est Julie. Oui. Voilà, qui est avec nous. C'est Julie. Bon, c'est allez. C'est Julie avec des grosses balls. Bah oui, si vous avez maintenant la bonne réponse, quel est notre invité mystère? Donc en 2002, elle a gagné la Starac, elle est brune et bretonne. Et puis c'est une des artistes qui a vendu le plus l'année dernière. Une des. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, il y a un iPod Shuffle à gagner. Vous envoyez votre réponse au 6322. C'est 1€ le message. Bonne chance d'avance, bien évidemment. Et surtout, à tout de suite. Bon, nous avons. Bah oui, hier soir, c'est vrai, il y avait un nouvel épisode de The Voice. Et le souci, ouais. Bah, c'est que c'est un peu lisse avec des chanteurs comme Roberto, par exemple. You won't stay with yeah. me. T'es jaloux, c'est oh yeah. Tu rigoles, j'ai la même voix. La preuve, ouais. Est-ce que tu as entendu cette voix de crooner? Ouais, mais tu as bien un petit peu. Mais oui. Je pense qu'il faudrait bientôt me rendre show à Las Vegas. Je me demande s'il a pas un problème dans son casque parce qu'il pense quand même qu'il chante bien. Donc pas ça, du tout. Ça m'inquiète. Je pense qu'il faudrait me rendre muet. Ah oui. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Pour que les autres puissent éventuellement prendre un peu de place, quoi. Oui, non, mais tout à fait. Bon, les paroles changent à chaque fois, c'est ça qui est bien. Bon, elles ne veulent jamais rien dire surtout, mais bon, elles changent un peu à chaque fois, c'est ça qui est pratique quand même. Bon bref, donc il y avait des chanteurs un petit peu... c'est un peu lisse quoi, il se passe pas grand chose ouais. dans The Voice. Les chanteurs chantent bien certes, mais voilà. Mais heureusement. Elles sont bonnes, oui. Parce qu'il n'y a quasiment pas de moche. Hein. C'est vrai. Mais oui, heureusement, c'est vrai, ouais. Mais heureusement, j'ai trouvé à teux des vrais rappeurs engagés. Alors si vous ne savez pas où se trouvent eux, c'est tout près de Spa, on ne sait jamais. Et là, attention, j'ai du lourd. Alors a priori, ça parle d'une embrouille avec une certaine Jessica. Jessica, maintenant il faut assumer car tu l'as bien baisé. Et ouais, je parle de mon pote. Alors, quand je vous disais que c'était le flow quand même. Hein, oui, ouais. Mais bon, ça va. Il faut un petit peu lui laisser le temps. Il débute, hein. Oui, c'est bon, vrai. Et quand je vous dis que c'est du lourd, évidemment, c'est du très lourd. D'ailleurs, Lio justement, qui fait partie du jury, a son avis, bien sûr. Eh ben c'est sa cam, bah, elle a l'air plutôt contente. Et encore, elle a pas tout entendu. Il y avait des rimes de fou aussi dans ce qu'ils font là. T'es au courant que tes boutons sont pires que des ballons? Personnellement, je te toucherai même pas avec un bâton. Eh oui, ah, oui. D'accord. Ah ouais, ouais. Voilà, alors, ça balance, hein. Bah, grave, c'est... attention. Ouais. Est-ce que Quentin Moziman a un avis éventuellement à donner? J'aime bien que la mélodie soit entre guillemets respectée. Ah bah là, ouais. C'est, en plus. Ah bah là, on sent qu'il y a du respect de la mélodie. Non, hein. Mais et c'est surtout en plus qu'ils sont en total impro. Tu vas pleurer, j'arrive dans cette putain de section. En mode improvisation, je vais te donner à fond jusqu'à ce que tu t'envoles comme un avion. Eh oui, non, oui, tu t'envoles comme d'accord. un avion. Allez. Tout à fait. Bon, allez, un petit dernier là pour vous montrer qu'ils ont vraiment la rage et qu'ils y croient à fond. Et justement, tiens, c'est ça qui est beau. T'aurais mieux fait de ne pas de la jouer si tu voulais pas te faire clasher. Clasher, dédicace par ce truc magma et 10-49. Clac, clac, clac, clac, clac, clasher. Ouais. Yo, t'as vu, on représente. Allez, parce que tout le monde gagne sur Fun Radio dans Mickaël à la radio. Un avis éventuellement, Ophélie, notre co-animatrice? Je sais pas. Non, donc mais à mon avis, alors. Je pense que pour une fois, c'est justifié. C'est vrai que pour une fois, ça l'est, effectivement. Laissons-lui au moins ça, ouais. Voilà, donc Ophélie, donc, qui est notre nouvelle co-animatrice, jusque. Bah, je sais pas encore combien de temps, jusqu'à on verra bien. Belgique, on va voir. Je sais pas, future prétendante à Miss Belgique en tout cas, donc. Mais tu sais que tu participes à Miss Belgique? Je sais pas, non, je sais pas. Ah, alors là, par contre. Et que c'est samedi surtout. C'est oui. Dur. Mais c'est samedi par contre, hein, tu. Je sais pas. Bon. Bah merci pour toutes ces informations. Hein. Heureusement qu'elle n'est pas journaliste, parce que sinon on serait pas beaucoup avancé. 9h20 sur Fun Radio, c'est David Guetta maintenant sur Fun. C'était David Guetta à l'instant sur Fun Radio avec Usher, Without You, il est 9h23. Et pour terminer l'émission, alors avant d'avoir notre ami Julien Derien, il y a Fred sur le groupe Facebook qui dit qu'il y avait une petite devinette également là. Quelle est la différence entre du chocolat et une femme? Je sais pas si quelqu'un a une idée. Chocolat et une femme. Oui. Non, je vois pas. C'est très peur. Ah non, non, ça me fait très très peur, oui, effectivement. Eh bien, le chocolat constipe et la femme fait chier. Ah bah, très grande classe, hein, comme toujours. Merci, merci pour ça. Bah, merci à Frédéric, c'est non, honteux, mais... Frédéric, écoute. On termine bien la matinée comme on l'a commencé un peu. Hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, effectivement, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Bon, allez, continuons maintenant avec notre ami Julien Derien. Et pendant que Julie est en train de se ventiler, de se ventiler parce qu'elle est malade. Plus. Julien Derien qui est tous les soirs avec Evan dans la tribu, grand reporter, évidemment, toujours au cœur de l'actualité et qui était encore une fois au cœur de l'actualité. Avec Julien Derien, notre reporter, notre envoyé un petit peu spécial, il est vrai, il a décidé de nous parler aujourd'hui de la journée mondiale du bénévolat. C'est bien ça, hein, ce dont vous avez envie de nous parler aujourd'hui, Julien ? Oui, tout à fait, et je voudrais en profiter, Evan, pour féliciter et encourager tous ces hommes de l'ombre qui travaillent bénévolement pour que le monde soit meilleur. Et de qui vous parlez, Julien ? De tous ces maris qui couchent avec leurs femmes et les contentent sans jamais rien demander en retour. tous ces hommes qui, pour éviter que des petites nanas de 20 ans se sentent seules, n'hésitent pas à tromper leurs femmes. Non. Non, Julien, s'il vous plaît, c'est une belle journée aujourd'hui, une journée utile pour que le monde soit reconnaissant envers tous ces bénévoles, voilà, qui travaillent pour aider les autres. Et vous, vous me fatiguez, quoi. Écoutez, Evan, vous allez être étonné. Pour être solidaire, j'interviens gratuitement aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas vous coûter un centime. Je suis bénévole. Ah, c'est beau, ça. Bravo. C'est vrai, c'est tout à votre honneur, je crois. Oui. Bon, bah, à part ça, Julien. Quoi, à part ça? Bah, je sais pas, vous n'avez rien d'autre à dire, c'est tout? Bon, bah, non, attends, je suis pas payé, je vais pas me faire chier non plus. Hein. Oh, vous êtes gonflé, Evan. Je vous dis que je fais cette chronique gratuitement et vous abusez. Non mais Julien, c'est un minimum, vous vous rendez compte de l'absurdité de ce que vous venez de me raconter quand même. Ah parce que je suis absurde en plus. Non mais ça va pas bien là-dedans. Alors c'est comme ça, on est gentil, on se fait traiter comme un ouvrier de la SNR Stahl. Eh ben, bravo, Evan. Bon Julien, ça suffit maintenant, ça suffit vraiment Julien. Non, ça ne suffit pas, je ne me laisserai pas manipuler par le capitalisme, vous m'entendez? Vous croyez qu'il est facile mon métier? Bah oui. Vous croyez que c'est drôle de se retrouver en plein milieu de Charleroi pour commémorer la rénovation d'usine désaffectée, moche et dégueulasse? Hein? Vous croyez que c'est marrant, vous, d'être à Scarbec pour couvrir la fête du Dorum sans oignon? Vous savez où je vais vous le mettre, le Dorum? Non, je me battrai jusqu'au sang. C'est la lutte finale. Coupons-nous et demain. Il va pas bien. L'international sera ta le gueule. Genre humain. Bon, allez, ça va maintenant. Ça va. Merci, merci Julien. De rien. Et voilà, retour de Julien Derien, évidemment. Eh bien, demain, évidemment, entre 6h et 9h30. Alors, vite pour terminer, il y a Christine qui est avec nous maintenant de Viers-le-Bouillet. Elle est très sympathique aussi demain. Salut Christine. Bonjour. Bonjour, comment ça va Christine? Ça va et vous? Eh ben ça va bien aussi Christine, sois la bienvenue. Heureusement qu'on sait qu'elle s'appelle Christine, hein, sinon ça aurait pas été évident. C'est sûr. Christine, tu as la réponse toi, quel est notre invité mystère que je remets là, écoute. Vous allez l'adorer. Je savais que ça existait, mais j'étais loin d'imaginer un tel résultat. Mes cheveux abîmés sont enfin éclatants de santé. Eh oui, c'est beau. Ah, bon oui. Alors, l'invité mystère c'est qui tu m'as dit? Nolwenn. Nolwenn, oui. C'est Nolwenn. C'est comme Nolwenn, mais c'est Nolwenn. Mais enfin, bon, c'est bon, on valide quand même. Ouais, on va pas chipoter, tu l'avais bien écrit, Christine. Ouais, c'est la version de novembre, c'est voilà. Nolwenn. Bon, Christine, eh bien, écoute, un iPod Shuffle qu'on va te filer. Tu veux quelle couleur? Il y a gris, bleu, vert, orange ou rose? Le gris. Eh ben, écoute, on va t'envoyer ça, il n'y a pas de problème, Christine. Passe une bonne journée, une bonne année. Merci encore. Bonjour, à bientôt. Bonjour, au revoir. Mais comme tu veux, il n'y a pas de problème. Hein, nous, on ne sait pas très bien où on est, mais enfin, c'est pas très grave. Bon, et ben voilà. Passe une bonne journée, Christine. Et puis nous, on va se retrouver demain. Et oui. En pleine forme à partir de 6h. Évidemment, surtout Julie. Forme, et alors pour là, la dernière de la semaine, Julie. Wouh. Et Julie n'a pas décédé d'ici là. Bon, ça devrait bien se passer. Et oui, envoyez vos grog à Julie. Envoyez du rhum et du sucre. Tout à fait. Bon, allez, bonne journée, Julie. Bonne nuit plutôt. Hein. Oui, je vais aller dans mon lit. Bah voilà, ça serait bien. Et puis, bonne journée à Love et à Toff également. Et puis, à Sandro le stagiaire qui était là au taquet, bien évidemment, comme d'habitude. Hein. Bonne journée. Et bonne journée à Sandro. Hein. Ouais, ouais. Il peut pas cacher d'où il vient. Non. Ça c'est sûr. Allez, dans un instant, c'est Lucas qui arrive avec le meilleur du son Dance Floor que vous choisirez avec lui. Vous ferez la prog jusqu'à 13h. Ensuite, Pure Dance Floor, c'est avec Jasmine jusqu'à 17h. Evan et toute la tribu à partir de 17h. Et puis la Libre Antenne, bien entendu, comme chaque soir. Libre Antenne Made in Belgium avec Vince et l'Abbé, entre autres. C'est à partir de 20h. Bonne journée tout le monde et rencard demain dès 6h. Salut, salut. Il vous manque déjà? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio. Fun Radio.